Fatigue, ennemi mortel. C'est peut-être que la mienne est plus fatiguée que la sienne. De toute façon, la fatigue, je pense qu'il y a toutes sortes de fatigues. Il y a des fatigues qui sont... Il y en a qui ont de la misère à se lever le matin. Il y en a qui ont de la misère de se remettre de leur fin de semaine. Il y en a qui ont mal au dos parce qu'ils sont fatigués. Bon, en fait, il y en a autant qu'on veut. Et il y a autant aussi de moyens. Je veux dire, vous regardez au niveau de la fatigue physique, les gens vont courir après des cures au niveau du pollen d'abeille. Il y a un paquet d'affaires pour essayer de se remettre sur le piton, comme on dit. Mais si on remarque que la fatigue, avant, ça a été, disons, un indicateur que l'homme devait se reposer. Mais avec la société industrielle, c'est devenu une ennemie mortelle. Qu'est-ce qui s'est passé, Daniel, pour que la fatigue devienne aussi noire? Bon, commençant en riant. La fatigue. Qu'est-ce qui s'est passé pour que l'homme devienne fatigué au point d'être fatigué? Pour que la femme soit fatiguée au point de ne plus vouloir d'enfants. Parce que même la jeunesse est fatiguée. La société est fatiguée. Et on espère que celui-ci ne se fatiguera pas parce qu'on n'a pas de lampe de recharge. Bon. Premièrement, il faut comprendre ce qu'est la fatigue. On a une fatigue physique, une fatigue biologique qui est due à une accumulation d'acide lactique, par exemple, à l'intérieur des cellules musculaires. Acide qui va être éliminé par le sang lorsque les muscles sont au repos. Cela veut dire que lorsqu'une personne fait un travail musculaire, et ce n'est pas de cette fatigue que l'on va parler ce soir, lorsqu'elle fait un travail musculaire, elle brûle de l'énergie et cette énergie doit être brûlée. Donc, elle va brûler des substances, du glucose, des sucres chez elle et cela doit être brûlé en présence d'oxygène pour créer de l'énergie, énergie qui fera bouger les muscles, qui fera en sorte que la personne pourra s'animer. Lorsque la personne bouge trop, ou lorsque la personne respire mal, ou lorsque la personne fume, ou lorsque la personne est dans un milieu pollué par la respiration de d'autres personnes, ou pollué simplement par la cigarette ou l'air extérieur, lorsqu'on fait un travail musculaire, il vient à un moment donné où les muscles manquent d'oxygène, où le sang transporte d'une façon insuffisante la quantité d'oxygène nécessaire aux muscles. Alors, la transformation de ce sucre en énergie va se faire d'une façon anaérobique, c'est-à-dire sans oxygène, ce qui va créer de l'acide lactique, c'est ce qui peut donner une impression de fatigue corporelle. Lorsque la personne se couche, lorsque la personne se relaxe, lorsque la personne dort, le sang va continuer à circuler, éliminant cet acide lactique pour redonner un corps frais dispo à la personne. Tout le temps, depuis l'Antiquité jusqu'aux années 1800, début 1900, c'était presque le seul processus de fatigue connu par l'être humain. Alors, dans un repos, dans une cure de repos, dans un voyage, dans des vacances, il arrivait à récupérer un corps relativement jeune. Aujourd'hui, on ne connaît presque pas suffisamment cette fatigue biologique. Par contre, on connaît un autre genre de fatigue qui est une fatigue qui ressemble... Le décap. À la fatigue que ce crayon subit. Au niveau de l'ingénierie, on appelle cela un stress. Et lorsque le stress est suffisamment puissant, ça brise. Et ça, c'est la fatigue. Ce crayon de François, ça je vais lui laisser. Il revient la semaine prochaine. Lorsque le corps physique subit ce genre de fatigue, lorsqu'il est stressé au point de rupture, la personne veut se reposer. Si la personne n'arrive pas à se reposer, on me fait des simagrées. Ça va bien ce soir. La lumière est arrivée. Ah bon, ben là, alors à l'entrée, qu'on pourrait éclairer notre ami. Je ne sais pas si le technicien sait, mais s'il la touche avec ses doigts, elle va brûler du mal, elle va l'allumer. Hein? Je lui dis... Alors donc, ce stress, qu'est-ce qu'il peut causer chez l'homme? Qu'est-ce qu'il peut le causer et qu'est-ce qu'il peut causer? Et c'est de cette fatigue, surtout, qui habite l'homme, c'est cette fatigue qui tue l'homme. Parce que la fatigue physique, vous savez que vous pouvez travailler une semaine de temps sans repos. Et lorsque vous allez tomber, vous n'en mourrez pas. Vous allez dormir pendant quelques jours. Mais le stress fait que l'homme n'arrive même pas à bien dormir. Le stress fait que l'homme n'arrive plus à relaxer. Il n'arrive plus à vivre. Et le stress opère autre chose. Lorsqu'une personne est fatiguée physiquement, elle échappe. Lorsqu'une personne est fatiguée nerveusement, elle devient malade. Aujourd'hui, l'humanité connaît un stress et connaît une fatigue générée par le stress. Mais en 1986, l'humanité industrialisée va connaître un autre genre de fatigue. La fatigue qu'il va connaître peut porter le nom d'épuisement. L'homme est continuellement à la recherche de son esprit. Et cette recherche, lorsqu'elle tend à aboutir, amène l'homme biologique, amène l'homme psychologique à être épuisé. Il n'a plus d'énergie pour entreprendre quoi que ce soit. Il n'a souvent même plus d'énergie pour pouvoir vivre. L'épuisement, c'est un sujet sur lequel on va revenir la semaine prochaine. Donc, on va aborder surtout le mécanisme de la fatigue causée par le stress. On va essayer de voir les mécanismes qui la causent. On va dire c'est parce que le patron nous stresse, c'est parce que la conduite automobile nous stresse. Ce sont des causes microscopiques. Pourquoi la conduite automobile vous stresse-t-elle? C'est là qu'on va trouver la cause. Et on va essayer d'entrevoir des mécanismes écologiques pour que l'humanité ou pour que l'humain puisse tenter de se libérer de ce genre de fatigue. La différence donc avec l'Antiquité, c'est le mode de vie. C'est le mode de vie complet. Alors qu'est-ce que le mode de vie complet? C'est la façon dont on s'habille. C'est la façon dont on se lave, c'est la façon dont on mange, c'est la façon dont on respire, c'est la façon dont on boit, c'est la façon dont on communique, c'est la façon dont on marche, c'est la façon dont on se tient assis, c'est la façon dont notre psychologie se sert pour s'exprimer. On peut faire une expérience amusante. Elle peut enrichir ceux qui vont la faire convenablement, puis elle peut être banale aux autres. Présentement, vous êtes assis. Savez-vous combien de muscles inutiles sont contractés pour vous donner l'impression d'être assis? Savez-vous combien de muscles inutiles sont contractés exclusivement pour exprimer la psychologie qui vous habite? On peut adopter une position physique dans un cadre écologique diplomatique dans le but d'émettre une onde de forme particulière. Le soldat se tient au garde-à-vous pour émettre une énergie particulière. Le playboy va marcher d'une façon nonchalante pour émettre une énergie particulière. Ça, c'est l'énergie émise par l'onde de forme. Une onde de forme, c'est tout ce qui est réfléchi au niveau lumière par un objet, selon sa forme. Et cela opère dans la psychologie de l'être humain une perturbation qui peut être acceptée comme étant bénéfique ou acceptée comme étant maléfique. Une personne réagissant à l'onde de forme trouve des choses belles et trouve des choses laides. Elle trouve des choses épeurantes et des choses accueillantes. Et c'est pourquoi le décor d'une maison, l'onde de forme d'une maison, d'une pièce, d'une chambre, d'un salon, est important pour l'homme et pour la femme. Présentement, vous essayez de découvrir chez vous le nombre de muscles inutiles qui sont contractés. Alors, vous allez voir des épaules tomber. Vous allez voir, à un moment donné, une jambe qui se déplace. Vous allez finir par adopter une position. Vos fessiers, pour la majorité, sont contractés alors qu'ils ne servent plus à rien. Alors, je pourrais vous en énumérer des muscles qui sont présentement contractés pour rien. Des muscles faciaux, des muscles potiers, des muscles de mouvement. donc des muscles de bras, de jambes. Plusieurs muscles sont présentement contractés pour rien. Lorsqu'une personne conduit une automobile, vous pouvez observer, moi j'ai observé de temps en temps, je m'amusais souvent à cela lorsque j'étais ambulancier. Alors on a des personnes qui conduisent le nez collé sur le pare-brise. Mais le dossier ne sert plus à rien. Lorsqu'ils arrivent, ils sont fatigués de la conduite automobile, mais c'est tout à fait normal. On a des personnes qui sont toutes écrasées, qui ont de la misère à voir. On a des personnes qui sont trop hautes, qui se tapent la tête sur leur plafond régulièrement. Un de mes amis me faisait remarquer d'ailleurs qu'une personne sur deux se fouille dans le nez ses feux rouges. Mais ça, c'est un autre... Vous pourrez observer, vous allez voir. Pourquoi? Pour se décontracter. Ça paraît ridicule. Non, regardez-vous pas tous. Mais... L'homme, présentement, l'être humain est stressé. Cela va de soi. Je pourrais crier ce soir et j'en ferais grimper plusieurs. Je pourrais crier encore plus fort et en faire grimper d'autres. On pourrait prendre de l'eau, la lancer et essayer de la récupérer et manquer son coup. Vous voyez, ça l'a déjà fait réagir les personnes. Parce que certains sont stressés. Parce que des choses, apparemment, ne se font pas. Il y a plusieurs mécanismes qui font que l'homme est stressé. Mais pourquoi êtes-vous stressable? C'est la question. Lorsque l'on comprend pourquoi on est stressable, on peut commencer à envisager un changement dans la perception que nous avons de l'extérieur, un changement dans sa vie. Ce soir, ce sera sans doute une conférence relativement terre à terre. Conférence qui ne vous amènera pas dans les nuées de l'évolution, mais qui peut-être, si les personnes veulent s'en donner la peine, occasionner des changements chez eux. Je dis que 1986 est une année fatidique au niveau de la fatigue des sociétés et de l'épuisement des sociétaires. Pour plusieurs raisons énergétiques, du fait que l'homme se rapproche de ce qu'il recherche au niveau psychologique, quelque chose de supérieur à sa psychologie, on l'appelle comme on veut, chose sur laquelle on va revenir la semaine prochaine dans la recherche de son esprit. 86, 87, 88. Mais on s'en fout, je ne veux pas faire de prédiction. Vous pourrez simplement observer autour de vous ce que ça va donner. Certains sont déjà fatigués depuis un grand bout de temps, mais plusieurs commencent à être épuisés. Et la fatigue excessive n'entraîne pas l'épuisement. Souvent, en psychiatrie, en médecine, on va associer les deux. Elles sont différentes. Lorsqu'une personne est fatiguée, à un point tel qu'elle est fatiguée d'être fatiguée, elle veut s'en sortir. Voulant s'en sortir, elle recherche chez elle quelque chose qui pourra être suffisamment puissant. Et là, elle peut devenir épuisée. Et une personne qui n'est pas fatiguée, qui chemine, qui se conscientise, peut soudainement devenir épuisée, sans être passée par l'étape de fatigue. Les deux ne sont pas reliés. La conscientisation amène des métamorphoses chez l'homme, elle amène des mutations chez l'homme, l'homme et la femme. La fatigue est une accumulation insensée d'expériences inutiles. Le stress. Un jour, on avait un caméraman ici. Maintenant, on n'en a plus parce que je le stressais. Pour expliquer la manipulation que l'homme peut manipuler l'homme, alors je me lève et je m'en vais faire ma conférence dans le coin là-bas. Alors là, lui, il se lève, il prend la caméra, il la tourne toute, là, je m'en viens ici. Il recommence. Et puis là, je dis, voyons, on peut manipuler. Alors, pour me prouver qu'il n'était plus manipulable, il laisse sa caméra là, puis il se rassoit. Finissant le summum de manipulation. Il a été stressé parce qu'il a mis de l'importance dans le geste de bien filmer. C'est évident que si un caméraman est là, il est là pour bien filmer. Celui qui enregistre est là pour bien enregistrer. Lorsque vous vivez, vous êtes là pour bien vivre. Mais qu'est-ce que c'est bien vivre? Lorsque on a une image de caméra qui se promène comme ça, c'est parce que le gars voulait bien faire. Mais il voulait tellement bien faire qu'il était stressé. L'homme veut bien vivre. La femme veut bien vivre. À un point tel qu'elle est prête à se tuer à petit feu pour arriver à bien vivre l'humanité. Pourquoi êtes-vous stressable? Première raison, parce qu'on attache de l'importance à ce que l'on trouve important. Subtil. Mais c'est le début. Êtes-vous capable d'entrevoir le fait que pour l'humanité, il n'y a rien d'essentiel? Il n'y a aucun besoin réel, mais qu'il n'y a que des choses utiles. Êtes-vous capable? Lorsque vous allez voir qu'il n'y a que des choses utiles, vous allez cesser d'être stressé. Cela veut dire que j'ai besoin d'un verre d'eau pour boire parce que j'ai soif, et lorsque j'ai soif, j'ai besoin de l'eau. C'est faux. L'eau, c'est une utilité, c'est un outil, c'est utile. Lorsque j'ai besoin de l'eau, c'est que psychologiquement, j'attache de l'importance au fait de ne pas souffrir la soif. Alors, j'ai besoin de l'eau et j'aurai peur et je serai stressé si j'en manque. Dernièrement, certains personnages sont venus et devant moi, ils ont fait une expérience. Ils ont placé un appareil dans de l'eau de ville et dans de l'eau de source. Pour essayer de nous prouver que dans cette eau, il y a des choses, des minéraux entre autres, qui sont dangereux pour l'homme. Mais à quel point l'eau doit-elle prendre une importance capitale pour l'évolution de l'homme? L'alimentation, c'est la même chose. Dans l'eau, ici, il y a des minéraux, c'est-à-dire qu'il y a des ions de minéraux. Il y a Fe+, mais il n'y a pas du fer. Lorsque l'homme boit l'eau, son organisme est capable de faire en sorte que certains ions s'assemblent pour créer un minéral qui pourra nuire ou aider l'homme. Mais avec l'appareil que j'ai vu, qui était un électrolyseur, on assemblait tous les ions de l'eau. Alors évidemment, on se ramassait avec une espèce de boue très légère. Ce n'est pas ce qui se passe dans l'organisme de l'homme. Mais ça devient important. Que l'homme consomme une eau pure, que l'homme consomme un air pur. C'est évident que c'est important. Pourquoi est-ce important? C'est important que l'homme consomme une alimentation adaptée à lui. Végétarien, carnivore ou omnivore, mais adaptée à lui. Le végétarisme, ce n'est pas bon pour tout le monde. Et le carnivoriste non plus. Adapté. Mais pourquoi est-ce important? Pourquoi est-ce important vos vacances? Au point de partir en tremblant et de revenir en criant. Pourquoi est-ce important votre travail? Pourquoi est-ce important tout ce qui est important pour vous? Pas parce que c'est important. On n'en sortira pas. Pourquoi est-ce important? Si on part avec l'idée, oui, mais là, en fin de compte, c'est vrai, mon auto, si je n'ai pas, je peux continuer à faire quoi? Qu'est-ce qui mobilise vos énergies à un point tel que vous en manquez suffisamment pour être stressable? Alors là, vous venez fatigué. Assez que le sommeil n'est plus réparateur. Le sommeil répare le corps, mais le reste, vous vous levez le matin puis vous êtes aussi fatigué. Ou vous êtes en pleine forme, mais une demi-heure après, paf. Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui suce l'énergie vitale, l'énergie psychologique de l'homme? L'importance. L'homme attache de l'importance. Et pour qu'une chose soit importante, elle doit être énergisée par la psychologie de l'homme. Et l'énergie que l'homme place pour rendre une chose importante, c'est de l'énergie qu'il n'a plus pour lui. Vous avez peur parce que votre mari, votre femme ou votre enfant n'est pas arrivé à l'heure. Vous placez de l'énergie là. Ça ne l'aide pas. Mais vous vous en perdez. Vous vous stressez. Vous avez peur de perdre votre emploi, vous placez de l'énergie là. Et ça ne fait rien de plus, mais ça vous stresse. Vous avez peur régulièrement de plein de choses. De plein de choses. Pourquoi? Et est-ce qu'il y a quelque chose d'important pour vous? Il y en a un maudit paquet. Cosmiquement. Dans la réalité, y a-t-il quelque chose d'important? Est-ce que c'est important d'avoir une automobile? Ben oui, parce que je veux voyager. Est-ce que c'est important de voyager? Ben certainement, si je ne pourrais pas aller travailler, je ne pourrais pas aller voir, mais est-ce que c'est important de travailler? Est-ce que c'est important de visiter? Eh bien, si je ne travaille pas, je ne pourrais pas vivre. Si je ne visite pas, revenons à l'autre. Si je ne travaille pas, je ne pourrais pas vivre. Est-ce que c'est important de vivre? Toute l'importance qu'on attribue aux choses est par rapport à quelque chose qu'on ne perçoit pas ou qu'on perçoit vaguement. Si on fait un travail intellectuel comme je suis en train d'en faire un au niveau de c'est important ci, ça, ça, ça, on arrive à la vie, souvent. Mais c'est intellectuel, c'est important la vie pour vous. Si c'est comme la santé, la vie c'est pas important pantoute. Quand vous allez être malade, là, la santé va être importante. Quand vous allez être votre lit de mort, là, la vie va être importante. Mais pour l'instant, ceux qui sont en santé se foutent royalement de la santé. Ils l'oublient carrément. Pense pas à maladie, pense pas à santé. Alors, tant qu'on est en vie, la vie. Mais tout le reste devient important parce que l'on vit, puis la vie, on l'oublie. Alors, à un moment donné, on attache de l'importance à des choses par rapport à une chose qui est importante. Le verre est important parce qu'il décore ma maison. Le verre est important parce que si j'ai des invités, je dois leur servir à boire et mes invités sont importants. Mais l'invité n'est plus important pour la vie, il est important pour le verre. Le verre est important pour le liquide qu'il va contenir dedans. Le liquide est important pour la soif de l'invité. Et tout ça au complet important pour qu'il pense qu'on est correct. Alors là, on attache des importances à des mécanismes qui, en fin de compte, ne sont même plus serviables. L'enfant qui mange avec ses mains, c'est important qu'il apprenne à manger convenablement. Pourquoi? Aucune raison. En regard de la vie, aucune raison. Qu'est-ce qui est important? Qu'il soit heureux et qu'il goûte convenablement ou encore qu'il nous plaise et qu'il mange avec des ustensiles? Ben, à un moment donné, on dit, oui, mais il va être heureux plus tard quand il va être accepté par la société parce que s'il va manger dans un party avec ses mains, tout le monde va rire de lui, sauf si tout le monde mange avec ses mains. Ça va de soi. Et quand il va aller dans un party, c'est avec du monde de son âge. Fait que si tout le monde laisse manger les enfants de 3 ans avec le main, quand il va aller dans un party, ils vont se manger avec le main. Alors, ils ne seront pas malheureux. Mais on a de l'éducation. Est-ce que c'est important, l'éducation? Est-ce que c'est important, l'éducation? Ben oui, parce que plus tard, est-ce que c'est important plus tard? Là, il y en a qui commencent à regretter d'être venus. Bon. Mais si on a une raison intelligente d'être en vie, si on aurait une compréhension, même limitée, de notre présence sur la planète, rien ne serait important. Mais maudit qu'il y aurait des choses utiles pour nous permettre d'accomplir des choses. Le menuisier a besoin d'un marteau. C'est un outil. Lorsqu'il n'a plus de marteau, il ne peut pas travailler. S'il attache trop d'importance à son travail, automatiquement, et c'est là le piège, il va attacher de l'importance à son marteau. Alors, il va être stressable. Stressable, donc manipulable. Je vais lui faire un coup de cochon, je pique son marteau. Mais combien de coups de cochon on peut vous faire? Vos enfants, ils vous en jouent souvent, hein? La majorité de l'éducation familiale finit par exprimer quoi? Faut que les enfants apprennent à respecter l'importance que nous, on attribue au monde. Il monte les deux pieds sur le sofa, pif, paf, pof. Il mange pas tout, pif, paf, pof. Il fouille dans le gâteau avant, pif, paf, pof. Etc., etc., etc. Et c'est l'éducation. Et c'est l'éducation que vous avez aussi eue. C'est pas grave, parce que l'homme fait toujours ce qu'il peut faire de mieux. Et si on comprend qu'on peut faire mieux, on change. On regrette pas, on change. Parce que si on regrette, l'énergie du changement, on la place dans le regret. Alors on ne change pas, on broye. Qu'est-ce qui est important? L'évolution, pour certains, c'est important. Pourquoi? Si on répond, bien, parce que l'homme doit évoluer. Ça m'arrange en crime. Pourquoi l'homme doit évoluer? Bien, parce que, voyons. Parce que quoi? Et à un moment donné, on s'interdit de se poser des questions parce que ce dans quoi on croit est important. Alors, on ne veut pas l'abîmer. C'est ce qui fait que vous êtes stressable, donc manipulable. Pour ne pas vous donner du stress, vous allez vous mettre à quatre pattes devant la vie et vous allez faire les moindres caprices de la vie, dans l'espoir que celle-ci va récompenser celui qui s'agenouille. Mais la vie ne récompense pas celui qui s'agenouille, elle est à la recherche d'hommes et de femmes debout. Et elle les teste. Le gars qui réussit dans la vie, la femme qui réussit dans la vie, ce n'est pas ceux qui vont se mettre à quatre pattes pour ne pas être stressés. C'est ceux qui vont s'arranger. Mais comment s'arrange-t-on? Revenons sur le mécanisme, il n'y a rien d'important. La majorité d'entre vous sont sans doute contre cette action. Voyons, il y a des choses importantes. La vie, c'est important. Pourquoi? La vie, c'est utile lorsque l'on comprend à quoi elle sert. Mais la vie, c'est important lorsqu'on ne comprend pas, parce qu'on ne veut pas la perdre, sans avoir compris. Et au lieu de chercher, on essaie de la vivre. Mais de la vivre en luttant contre le mécanisme de la perte. Première lutte, l'oubli. On oublie la mort. On oublie la vie. Cela ne veut pas dire que chaque matin, on se lève, bon, là, je vis, oui, je vis, qu'est-ce que j'ai à faire dans ma vie? Fait que là, le temps que je pense à ça, je vais pas travailler, je suis bien. À un moment donné, j'ai plus de travail. Non. Non. Il y a des utilités. Commençons avec des choses qui peuvent être intelligencées, mentalisées, comprises par l'homme, par la femme. Je ne sais pas pourquoi je vis. Parfait. Allons-y étape par étape, parce que si on veut commencer à tout résoudre du premier coup, on n'arrivera pas. Je ne sais pas pourquoi je vis. Soit. Ou je crois savoir pourquoi je vis. Soit. Suis-je stressable? Oui. Donc, je ne sais pas pourquoi je vis. J'attache de l'importance à des choses qui ne peuvent pas être en relation réelle avec l'utilité de mon existence. Je ne sais pas pourquoi je vis, mais la vie est utile. J'ai un corps physique. C'est un travail que je ne peux pas tout faire ce soir pour vous. De toute façon, je ne travaille rarement pour les autres, sauf lorsqu'ils me payent. Je suis comme tout le monde. Vous allez travailler un peu, ceux que ça intéresse. Quelle est la différence entre une chose utile et une chose importante? La différence, c'est que dans l'un des cas, vous ne serez pas stressable, donc pas fatigué. Dans l'autre des cas, vous serez stressable et fatigué. La nourriture, c'est utile, ça permet à mon corps de rester vivant, ce qui me permet à moi de continuer à conserver une conscience matérielle, une conscience planétaire par laquelle je peux acquérir de l'expérience. Je mange, parce que c'est utile. Mais merde, si ça devient important, je vais engraisser. Je vais accumuler des stocks. Je vais avoir peur. C'est utile, la nourriture. Parce que... Donc, c'est utile. Et si c'est important, lorsque vous en avez plus, vous mourrez pareil. Un peu plus vite, consumé par votre énergie de stress. Vous savez, j'ai un bonhomme que j'ai connu. Enfin, ça peut paraître un peu oui. Il s'appelait Alain. Et un jour, il a voulu prouver que l'homme pouvait vivre des mois de temps en mangeant presque rien et en buvant presque pas. Mais ce qui tuait l'homme était le stress, la peur. L'importance que l'homme attachait à la vie tuait l'homme. L'importance que l'homme attachait à la nourriture et à la boisson tuait l'homme. Alors un jour, il a pris un canot pneumatique tout à fait ordinaire et il a traversé l'Atlantique pour atterrir ou amerrir à New York. Il est parti de France et il a traversé avec rien à bord. Il a traversé tout le long. Il est arrivé à New York avec un paquet d'ampoules, des ecchymoses un peu partout. Suite à son expérience, maintenant, les radeaux de sauvetage sont munis de planchers en bois. Et il a prouvé simplement que les marins, lorsqu'ils étaient en naufrage dans des canots de sauvetage, mouraient au bout de 2 ou 3 jours, une semaine au maximum, parce qu'ils étaient terrorisés. Parce qu'ils attachaient tellement d'importance à leur vie qu'ils en mouraient. Suite à l'expérience d'Alain Bombard, les marins vivent un peu plus longtemps pour 2 raisons. La première, ils ont appris. Deuxièmement, on a de l'équipement dans les bateaux. Et troisièmement, on les rescape assez vite. Mais il n'y a pas beaucoup pareil qui seraient capables de retraverser l'Atlantique dans un bateau similaire. En ne buvant que l'eau contenue dans les yeux de poisson, mélangée un peu avec l'eau de mer, en buvant une certaine dose d'eau de mer, sans trop en prendre parce que ça crée certains problèmes de folie, etc. L'utilité. Vous avez une maison, c'est utile, c'est pas important. Et si c'est utile, vous allez en bénéficier sans en être stressé. Ce sont des mots, mais ces mots contiennent énormément d'énergie. Observez tout ce qui dans votre vie est important. Et regardez donc si ce ne serait pas plutôt utile. Qu'est-ce que ça fait, la transmutation de l'utile en important? Ça fait qu'un jour, vous tombez sur un livre merveilleux qui transforme votre vie. Alors, vous le conservez avec vous des années durant. Et 50 ans après, vous recherchez encore la transformation dans votre livre qui ne sert plus à rien depuis 50 ans. Il vous a à un moment donné donné un coup de pouce. Il fallait chercher une autre marche. Mais non, vous conservez votre livre. Et là, vous dites à tout le monde, lisez-le, ça va vous transformer. Comme si le menuisier allait avec un marteau voir le peintre et dit, « Prends mon marteau, tu vas travailler mieux. » Alors, il va voir un mécanicien, « Prends mon marteau. » Il va voir un bijoutier, « Prends mon marteau. » Un horloger, « Prends mon marteau. » Un dentiste, « Prends mon marteau. » Ça va travailler mieux, parce que moi, quand je m'en sers, ça marche. Ce qui se passe. Alors, l'outil devient un leitmotiv de vie. L'outil devient important. Mais savez-vous que pour qu'une chose soit importante pour vous, vous devez prendre de l'énergie chez vous et l'énergiser la chose. Ça vous épuise, ça vous rend stressable parce que c'est une énergie de votre psychologie qui décolle. Cela veut dire qu'à court terme, vous allez être en pénurie d'énergie pour énergiser l'importance de votre outil. Vous allez donc devoir demander de l'énergie chez autrui. Vous allez devoir convertir les autres pour qu'eux aussi croient important ce que vous croyez important de façon à énergiser eux aussi ce que vous croyez important. Alors, vous allez convaincre le peintre qui peut peinturer mieux qu'un marteau. Le peintre accepte, il commence avec. Ben, c'est pas trop pire, les moutons s'écrasent. Et puis là, le peintre peut en même temps planter les clous qui dépassent. Ah, puis là, il trouve ça génial. Alors là, vous êtes 2 à énergiser cette marche. C'est important. C'est plus un outil. Tous les outils ne servent plus à rien. Vive le marteau. On peut même s'arrêter de taper les autres quand ils veulent pas comprendre. Alors, ça devient un moyen de conversion terrible, génial. Alors, on va inventer l'enfer avec le marteau, pour parler du ciel. Mais ça devient important. Et si, soudainement, ce marteau devient un outil Alors on va dire, comme tous les outils, s'il devient utile. Une chose, elle est utile lorsqu'elle peut servir dans certaines situations. Mais toutes les choses ne servent que dans certaines situations. Mais on les considère comme importantes quand même, c'est-à-dire... Qu'est-ce que ça veut dire, important? Ça veut dire que vous ne pourriez pas vivre sans cela. Ça veut dire que vous devriez souffrir énormément si on vous séparerait de ce qui est important pour vous. Alors que la vie enseigne depuis des millions d'années que les choses viennent et que les choses partent, et qu'une chose remplace toujours une chose. Mais l'homme ne s'adapte pas rapidement parce qu'il attache de l'importance. Ça fait que l'homme devient stressable, ça fait que la femme devient stressable, ça fait que l'enfant devient stressable. Je connais une personne, moi, qui se place toujours en état de stress parce qu'elle a l'impression d'être un adulte lorsqu'elle est stressée. Alors, elle a commencé à fumer pour pouvoir relaxer son stress. Tandis qu'une personne qui fume pour relaxer son stress énergise son stress. Il se donne une raison pour fumer. Alors, il sera stressé souvent pour pouvoir fumer souvent. Alors, elle prend sa cigarette, elle est là, elle allume tout ça. Personne, mais mieux, comme un adulte. Faites juste observer. C'est un travail banal. Essayez de déterminer dans vos vies. C'est radical. Ça fait un changement comme ça. Mieux que tout ce que vous pourriez ramasser ailleurs. Mieux que toutes les méditations possibles et imaginables. Vous vous asseyez convenablement, prenez un papier, prenez un crayon qui fonctionne, que personne ne prie pour expliquer quelque chose. Et puis, vous écrivez tout ce qui est important pour vous. Alors, c'est simple. Comment savoir si c'est important pour vous? Observez quelque chose chez vous. J'observe mon verre d'eau. Jusqu'à ce que je peux le briser. Si je ne peux pas le briser, c'est que c'est important. Ah ben oui, je peux le briser. Donc, je ne le brise pas, c'est stupide. Verre d'eau utile. Et essayez de voir tout ce qui va rester dans l'importance chez vous. Il risque d'en avoir beaucoup. Et observez après d'où naît votre stress. Dans les outils ou dans les choses importantes. Et observez que plus vous avez vieilli, plus vous avez accumulé de choses importantes et plus vous avez été stressé. C'est simple. Un emploi, c'est utile. C'est pas important. J'ai changé d'emploi en masse de fois pour le savoir. Et j'en connais plein aussi qui ont changé. Mais une chose est importante. Si vous en voulez une. C'est la considération de l'utilité des choses. Bon, moi, je ne vais pas travailler parce que le travail, c'est pas important, puis utile, bon, il y a le BS, il y a le chômage, il y a le vol, il y a le marché noir, fait que... Non. L'homme, la femme, doit être capable d'ajuster l'utilité. Mais pour ajuster l'utilité, elle doit savoir ce qu'elle a à faire comme vivant. C'est là le gros problème. Pourquoi l'homme est-il là? Pourquoi la femme est-il là? On l'a vu dans une conférence antérieure intitulée « Les mécanismes de la réflexion ». On l'a revu de temps en temps. On va le revoir un petit peu ce soir si on a des questions là-dessus lors de la deuxième partie. On y revient de toute façon régulièrement. Mais pourquoi l'homme est-il là? Est-ce que l'homme est sur la planète Terre pour évoluer? Et qu'est-ce que c'est que ça veut dire évoluer? Est-ce que l'homme est sur la planète Terre pour servir un Dieu? S'il faut servir un Dieu qui est heureux si on le sert, qui est malheureux si on ne le sert pas, qui est à se faire voir. Est-ce que l'homme est sur la planète Terre pour servir les autres? Ça devient sensé si ça s'arrête là. Parce que moi, je suis là pour servir Guy, Guy est là pour me servir. Si je me sers, il se sert, on est libre tous les deux. Si je le sers, je lui donne ce que je pense qu'il veut. C'est pas nécessairement ce qu'il veut. Et s'il me sert, il me donne ce qu'il pense que je veux. Ce qui n'est pas nécessairement ce que je veux. Je ne dis pas non à toutes les réponses, mais il faut se les poser clairement à un moment donné. Oh, pas pour rentrer dans une religion, pour mieux... Non, absolument pas. Mais ça nous stresse. Il y a quelque chose qu'on doit comprendre pour que le stress diminue, pour que cette fatigue qui fait que je me lève un matin, puis je me sens pas plus en forme, je prends mon café pour me réveiller parce que je ne suis pas capable de m'énergiser moi-même. J'ai mes petites habitudes sans lesquelles je ne peux pas être correct. Journal, café, céréales, je sais pas quoi, flatter le minou, le chien, s'en aller, fermer la porte, revenir, embrasser sa femme, s'en retourner. Il y a des habitudes que l'homme, la femme ont besoin parce que sinon, ils se sentent mal. Et pourquoi l'homme est-il pris aujourd'hui à vivre manipulé de cette façon? Pourquoi ne peut-il pas se lever avec un sourire pendant jusqu'aux oreilles puis trouver le monde beau? Parce que il n'a pas l'énergie pour entrer en communion, en relation avec le monde. Je ne vous parle pas de Dieu. Celui qui rentre en communion avec Dieu, j'ai juste à me présenter de lui et cracher sur son Dieu pour en faire un monstre, le gars. Alors, il n'est pas mieux. Il n'est pas mieux que celui qui croit son automobile, que j'ai un qu'à taper dessus pour que le gars devienne un monstre. J'en ai vu des pacifiques dans ma vie. J'en ai vu dans bien des pays. Ils sont pacifiques. Tant qu'on ne touche pas le paix. Ils sont plus pacifiques encore si on embarque avec eux autres. Alors, ils ne sont pas mieux organisés. Ce n'est pas question de divinité, de religion. À un moment donné, l'homme arrive à trouver réponse dans ces domaines. Mais est-ce que ça solutionne tous les problèmes immédiats? Alors, l'homme est fait pour s'ouvrir. Dans une autre vie, il sera heureux. Mais dans une autre vie, on peut être heureux. Mais on peut commencer tout de suite à se préparer. Si on apprend toute notre vie à souffrir, ça m'étonnerait bien gros qu'une fois mort ou une fois ailleurs, on apprenne à être heureux. Parce que présentement, il y a beaucoup de choses qui se permettent à l'homme et à la femme d'être heureux, et eux ne le voient pas. Alors, ils ne verront pas plus ailleurs. Le stress fatigue, au point que l'homme en est malade, pathologiquement. Biologiquement, corporellement, parce que l'estomac devient fatigué, parce que le foie devient fatigué, parce que les reins deviennent fatigués. Alors on dit, minéraux dans l'eau, attention, danger, prenez plus ceci, vos reins, vos foies, votre pancréas et tout ça va mieux fonctionner. Voyons donc, c'est pas l'eau qui rend nerveux, sauf Saint-Jean. Mais c'est pas l'eau qui rend nerveux. C'est pas l'eau qui rend malade, c'est pas la nourriture qui rend malade. On a des végétariens qui ont fait ça, puis ils rient au plafond. Puis on a des carnivores qui font ce qu'on fait ça, puis ils nous sautent d'en face. Puis c'est pas ça. La personne qui veut commencer à changer son mode de vie, elle doit. On peut élaborer longtemps sur la fatigue. Vous êtes stressable. Pourquoi? Si on découvre, non pas d'une façon philosophique, mais si on découvre d'une façon réelle pourquoi on est stressable, qu'est-ce qui vous fait stresser? Quand fumez-vous le plus? Quand dansez-vous le plus? Quand transpirez-vous le plus? À part dans les salles de conditionnement physique. Quand avez-vous des palpitations? Quand êtes-vous nerveux? Quand êtes-vous inquiet? Quand? Et ce quand va déterminer le pourquoi, et ce pourquoi est-il nécessaire. Mon fils, ma fille, mon mari, ma femme n'est pas là. Ça fait déjà 8 heures de retard et elle ne m'a pas téléphoné. Est-ce que c'est important d'être stressé? Parce que votre mari, votre femme, votre enfant est important, vous êtes stressé. C'est complètement stupide. Vous pouvez jouer aux cartes et manger du chocolat, je pense. Mais pourquoi être là à téléphoner, puis à attendre le téléphone, puis à grimper de même des fois que le téléphone sonne? Parce qu'on attache de l'importance à la présence des autres. Parce que s'ils ne sont pas là, on va souffrir. Et oui. Ou même si on dit que c'est pour eux autres, voyons, donc mon mari est dans un party avec sa secrétaire, on souffre pas pour lui. On souffre pour nous. Mes enfants sont en train de se droguer 5 mois, puis ils ont du fun comme des bons. Alors, on souffre pas pour eux autres, on souffre pour nous autres. Même si on dit, oui, mais c'est pas correct, moi je suis marié avec, ou bien non, la drogue, ça va ci, ça va ça, mais on souffre pas pour les autres, on souffre pour nous autres. sauf que ces personnages amènent dans notre vie quelque chose. Et ça, c'est important, parce qu'on pense qu'on ne pourra pas vivre sans ça. Mais c'est faux, on arrive toujours à vivre sans ça, parce que tous ceux d'entre vous qui sont ici ont déjà vu l'expérience d'une mortalité, d'une disparition, d'un divorce, quelque chose comme ça. Ceux qui ne l'ont pas fait vont le faire un jour, et on peut très bien vivre sans ça. Quand c'est important, on ne peut pas. Pouf, c'est pas important, puis là, on peut. Là, on peut en parler de notre ancien mari qui est mort, ou de notre femme qui est morte, ou de notre fils ou fille qui est mort. On en parle. On les aime. Encore. Mais on ne pleure plus. On ne souffre plus. Puis on les aime encore. Preuve que ce n'est pas nécessaire de brailler pour dire qu'on aime. Mais l'homme, la femme, trouvent qu'ils pleurent pour dire qu'ils aiment. En réalité, ils pleurent parce que c'est important, ça crée quelque chose chez eux. C'est pas l'amour, l'amour ne fait pas mal. C'est l'égoïsme. Bon, mais c'est ça. Alors, à un moment donné, je rencontre un de mes amis qui me parle de son frère qui est mort écrabouillé par une grosse pelle mécanique. À un moment donné. Ah oui, mon frère est extraordinaire. Je l'ai connu. Oui, c'est vrai qu'il est extraordinaire. Je sais pas qu'est-ce qu'il ferait encore, hein, s'il vivrait. Et si je lui demande, oui, mais tu l'aimes-tu encore? Ah ben oui, j'ai un maudit bon souvenir de lui, puis je vibre avec lui. C'est ça, l'amour. Ah mais tu pleures plus quand tu parles de lui? Ben non, à un moment donné, je pleure plus, non. Ça fait, je suis habitué, tu sais, mais tu l'aimes encore. Ah oui, l'aimes-tu plus? Ben cherchez ça, posez ça à ceux qui ont perdu quelqu'un, puis ils vont souvent vous dire, ma foi, oui. Mais tu souffres plus? Non. Alors, quand tu vas dans un salon mortuaire et que tout le monde pleure et que toi, tu ne pleures pas, est-ce que c'est parce que tu l'aimes pas? Parce que tu n'as pas de cœur? Ou parce que tu as moins d'ego? On attache de l'importance. J'ai déjà eu un jeune, moi, à un moment donné, qui allait dans un party sur le coin de la rue. Et puis, à minuit et demi, il n'était pas rentré. Alors, ma femme, elle était un petit peu inquiète. Elle fait qu'elle fait dire les policiers. Les policiers peuvent être dans la maison à 1h15. Et en même temps, rentre mon fils. Parce que, ben oui, mais il s'était trompé de rue. Il fallait prendre le métro, puis c'était en tout cas au bout de la ville. Fait que c'était normal qu'il arrive plus tard. Et les policiers nous répondent, ben, après avoir rempli, vous savez comment ça fonctionne, c'est comme ça, ça marche. Là. Une fois qu'ils ont tout rempli, que tout est signé, ils viennent partir, et là, le fils arrive. C'est toujours comme ça. Il ne peut pas arriver avant. Il faut que le travail soit tout fait. Alors là, les policiers, ben, nous regardent, puis disent, de toute façon, c'est 99% des fois, c'est ça qui arrive. T'es habitué. Ah, ils s'en vont. Tout content, parce que... Est-ce que c'était nécessaire de s'inquiéter? Un autre jour, je vais dans le métro et je sors une jeune fille de 17-18 ans. Mais là, sa mère ne s'inquiète pas. Parce qu'elle n'est pas au courant. Dans le métro, en dessous du deuxième wagon. Alors, dans un temps, une personne s'inquiète pour rien, dans l'autre temps, elle ne s'inquiète pas. Puis là, on va dire, mais elle devrait... Pourquoi? Aujourd'hui, si l'on lui parle de sa fille, elle va en parler. Elle va l'aimer. Mais elle ne souffrira plus. Parce que si, après ce nombre d'années, elle souffre encore, elle est sans doute morte, folle ou... En faute. Qu'est-ce qui est important dans la vie d'un homme, dans la vie d'une femme? Qu'est-ce qui est utile? L'éducation utile. Pourquoi? Répondez, vous allez trouver que c'est utile en maudit. Vous êtes vivant, premièrement, vous n'avez pas le choix. Alors vous tirez une balle entre les deux yeux, ou derrière, ou dans la tête, vous suicidez, vous jetez devant le métro, n'importe quoi. Ça règle quoi? J'ai déjà rencontré un psychologue qui soudainement avait découvert que le monde était manipulé, mais charrié puis charriable. Puis que le monde n'aimait pas. C'était de l'égoïsme. C'est ça, l'amour humain. Alors, il commence à m'expliquer ça. Alors, il a fait venir l'ambulance parce qu'il voulait se suicider, mais avant, il fallait qu'il dise à quelqu'un pourquoi il se suicidait. Parce qu'il avait découvert que l'homme n'aimait pas. Alors, moi, je m'assois, puis je lui dis, ben oui, mais c'est évident que l'homme n'aime pas. Il ne s'attendait pas à ça, évidemment. Fait que là, il me regarde. Tu sais ça, toi? C'est évident que l'homme n'aime pas. L'homme, il aime pour lui. Ben oui, c'est sûr. Là, il me montre tous tes diplômes. À 30 ans, je viens de comprendre ça, tu sais ça. Je dis, oui, c'est ça. Là, on commence à jaser. Puis là, il dit, oui, mais je vais être bien mieux dans l'autre monde. J'ai dit, mais dans l'autre monde, qu'as-tu déjà été? Non. Ils t'attendent avec des battes. Je pense que ça aura moins de problèmes que dans ce vie-ci, mais l'autre bord, c'est bien pire. Tu penses? Tu sais, tu suicides parce que tu es écœuré de ce monde. Mais de l'autre bord, il y a quoi? À part le concept idéologique qui a mieux, il y a quoi? Ah, ben merde. Je sais pas. Si l'autre côté, c'est pire, faites bien à manger. Tu pourras pas remettre tout de suite. Et si l'autre bord, tu te suicides pour aller pire? Là, il est parti à broyer. Et puis, on l'a amené à l'hôpital Saint-Luc. Et puis, il voulait plus se suicider. Puis, il voulait plus vivre. T'as pogné en maudit. Mais l'importance des choses, c'est aléatoire, c'est futile, c'est important jusqu'à temps que c'est plus important. Avez-vous remarqué? Puis maudit qu'on met donc des énergies pour les énergiser, ces choses importantes alors qu'elles sont utiles. Vous brisez quelque chose, c'était utile. Est-ce encore utile? Oui? Procurez-vous à un autre. Est-ce encore utile? Non! Mais maudit, chialez pas parce que c'est cassé! Mais regardez le nombre de choses sur lesquelles vous allez piétiner, critiquer, chialer, stresser, alors que ce n'est même plus utile, mais que c'est resté important. Observez bien. Vous rentrez dans une maison, vous allez fouiller dans le ce qu'on appelle le locker, l'entrepôt, ou dans le garde-robe, où on rencontre un paquet de vieilles chemises ou de vieilles robes qu'on ne met plus, mais on les garde au cas. Bon. Dans le grenier, dans le locker, dans l'entrepôt, le paquet de choses auxquelles on attache de l'importance, mais qui ne sont plus utiles, qui nous empêchent même de s'améliorer, d'avoir mieux, de se gréer de mieux, de nouveaux outils. De nouveaux outils qui seront utiles. Alors, moi et ma famille, on a toujours été là, fait que là, on va encore là. Oui. Mais est-ce que c'est encore utile? Le fait d'exposer un mort 3 jours de temps ou etc. devant toute la famille pour énergiser quelque chose qu'on va voir la semaine prochaine, de quelle façon on arrive à énergiser, à nourrir des forces qui aident à manipuler l'homme de façon à ce que l'homme s'haïsse, s'entretue, se viole, s'assassine, s'aime, se maudisse pour servir de nourriture. Alors, est-ce que ces choses-là sont encore utiles, outre qu'elles sont importantes? On va dire souvent, on va rire. Hein? Ceux qui n'ont pas assez d'argent vont rire. De ces cortèges mortuaires de 8-9 chars avec 300 000 piastres de fleurs, on va rire. Oui, on va penser que le gars va être mieux à cause que tout ça. Mais quand quelqu'un de nos proches meurt, bon, on peut quand même pas y mettre des pissenlits sur sa couronne. Alors, on rit de l'autre, mais on fait dans nos moyens la même chose. Mais est-ce que c'est utile? Il y a eu une utilité écologique au niveau des plans psychologiques de l'humanité. Mais est-ce que c'est encore utile? C'est important. Mais est-ce que c'est encore utile? Le travail, c'est utile. La santé, c'est utile. Si c'est important, c'est assez pour qu'on s'en rende malade. Si c'est utile, on s'en occupe. Mon marteau, il est important, je l'amène avec moi, il pleut à verse, il rouille, c'est pas grave, c'est important, je le chaîne de temps en temps, c'est important. Mais si le marteau est utile, ben là, il est utile, fait que je le sers dans son armoire, il est mieux là. Si ils m'ont donné ce passe de quoi après, lorsqu'on conçoit l'utilité d'un marteau, mais remarquez bien que la majorité d'entre vous ne concevez même pas l'utilité des outils. C'est une chose qu'on n'apprend jamais non plus à l'école ou dans notre éducation primaire. L'utilité des choses. On doit apprendre l'importance des choses, on doit attacher de l'importance à des choses, mais jamais on ne doit en voir l'utilité. Ma radio, c'est important, quand c'est important, la fout poubelle. Mais si j'en vois l'utilité, une utilité autre que celle de me faire plaisir, parce que c'est là qu'on attache de l'importance, parce que ça nous plaît, mais y a-t-il une utilité aux choses? Autrement dit, tout ce qui vous stresse, est-ce que c'est utile? Sans doute que oui. Mais est-ce que c'est important? Ça va être important tant que ça va avoir comme travail d'énergiser votre ego, de vous sécuriser. Si ça vous sécurise, ça va être important. Mais est-ce que c'est utile d'être sécurisé? Ah ben oui, quand je me sens sécure, je peux faire plus. Mais si tu te sens pas sécure puis que tu sais que tu dois faire, tu le fais. C'est nécessaire d'être sécurisé. C'est nécessaire de demander la moitié des énergies de ceux avec qui l'on vit pour qu'ils nous sécurisent et de donner la moitié des nôtres pour qu'ils se sécurisent. Tu m'aimes-tu? Ben oui, je t'aime. T'es sûr que tu m'aimes? Ben oui, je t'aime. Ah, oh, je t'aime fort, fort, fort. Puis là, on va être donc, knack, knack, knack, knack, knack, trois, quatre cadeaux. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Ah, oh, je sais que tu m'aimes. Deux jours après, mais je sais plus si tu m'aimes. C'est ça. Est-ce que c'est nécessaire? Est-ce que c'est nécessaire? C'est toujours ça le problème. Puis on est stressé. Puis là, on se demande, puis là, on se pose des questions. Assez qu'on se crée un contrat de mariage pour confirmer qu'on s'aime. On se crée un contrat de travail pour confirmer qu'on travaillait là. On se crée un paquet de contrats alors qu'il y a eu un temps où l'homme se servait de sa parole comme contrat. Ça fait longtemps, ça. Le peuple essénien, entre autres. Où la parole d'un essénien était un contrat. Partout ailleurs, on écrivait, quand un essénien donnait sa parole à n'importe qui, on n'écrivait pas. On donnait sa parole quand c'était utile. Si vous voulez lentement acquérir une santé morale, être en forme, lorsque vous partez en vacances, la majorité d'entre les hommes vont en vacances pour se reposer. La majorité d'entre ceux-là ne se reposent pas. Ils auraient besoin de 6-7 mois pour se reposer. Même un mois, c'est court. Un mois, on revient, on est reposé, mais 2 semaines après, on est aussi pire qu'avant le départ. Une semaine, c'est des fois dangereux, parce qu'on vient pire. Qu'est-ce qui est important et qu'est-ce qui est utile? Faire le tri là-dedans. Et si on est capable de mentaliser suffisamment les choses importantes, de voir pourquoi et de voir si ça serait faisable de poursuivre sa vie sans ces choses. Seriez-vous capable de vivre sans automobile? Ben oui! Alors, si vous voulez, mais ça serait dur dans le début, puis après, dans le début, dans 20 ans, le début va être passé. Et ça serait-tu faisable, oui? Allez-y comme ça. Est-ce que moi, je serais capable de vivre sans ceci? Et vous allez découvrir une légèreté dans votre vie. Parce que l'homme se demande, qu'est-ce que je pourrais bien acquérir de plus? Mais est-ce que je serais capable de vivre sans ceci? Et là, on va finir par éliminer des choses importantes qui, en fin de compte, ne sont pas importantes. Mais après ça, vous posez une autre question aussi importante. Est-ce intelligent que je conserve ceci? Y a-t-il une raison intelligente? Est-ce un outil qui peut m'être utile. Oui. Non. Non. Éliminer. Oui. Conserver. Mais conservez bien l'idée que c'est un outil. Ça, c'est important. Est-ce important? Puis-je vivre sans ceci? Oui. Est-ce que je peux vivre sans mon micro? Oui. Est-ce que c'est utile que j'ai un micro? Oui. Donc, je conserve un micro. Est-ce que c'est utile de lumière? Oui. Puis-je vivre sans lumière? Oui. Il n'y en a pas, il n'y en a pas. Ça serait totale obscurité si le monde veut le rester, bon, on continue pareil. Est-ce que c'est utile? Oui. Est-ce que c'est intelligent qu'on l'ait? Oui. Est-ce que c'est important? Non. Alors, je m'en fous. Mais je m'en sers. D'une façon libre, je ne peux pas être stressable. Comment déterminer ce qui est utile, important puis nécessaire? Je vais rajouter quelque chose, parce que d'après ce que j'ai survolé, là, si on regarde la première partie de ta conférence, on peut voir que ce qu'on pense qui est important, c'est souvent c'est ce qui nous impressionne. T'sais. Ce qui nous impressionne, c'est comme si ça nous sort de notre énergie à ce moment-là. Mais l'homme qui vit ça, faire la distinction entre ce qui est utile, important puis nécessaire, il risque, pour une période transitoire, de tomber quasiment dans le néant, dans le sens que s'il enlève tout ce qui était important pour lui, probablement que là aussi, tu conseilles plus à l'homme de se désensibiliser progressivement que... En tout cas, j'aimerais ça que tu survoies tout ça. Pourquoi tout à j'ai dit que si on veut conserver une chose d'importante, c'est la prise de conscience des choses utiles. Parce qu'une chose n'est pas nécessairement... utile parce qu'elle est importante. Est-ce que l'homme, faut qu'il arrive à faire le discernement entre les deux, c'est une force en papier? Alors, une chose peut être drôlement utile sans être importante. Lorsque tu es pris dans le bois et qu'un orignal te fonce dessus, un fusil peut être utile. Mais le fusil n'est pas important. Parce que pourquoi serait-il plus important qu'utile? Juste utile, c'est pas suffisant. Alors, pourquoi faut-il y attacher de l'importance en plus? Après ça, une fois qu'on a tué l'orignal, qu'on est encore en vie, on peut embrasser notre fusil. Je veux dire, je sais pas. Mais pourquoi une chose doit-elle être importante plus qu'utile? L'importance, ça fait partie du monde de l'illusion. Ça fait partie du mensonge cosmique. Ça fait partie de la farce, des choses importantes. Il n'y a rien d'important. Comment déterminer ce qui est utile, important, nécessaire? Lorsqu'une chose est nécessaire, c'est qu'elle n'est pas nécessaire, parce que nécessaire puis important, c'est similaire. Lorsque je dis une chose est nécessaire, maintenant, on peut dire, évidemment, pour boire de l'eau est nécessaire. Okay, dans le vocabulaire, ça reste la même chose. Mais au niveau psychologique, il y a des choses utiles. Les choses nécessaires, ça serait l'intermédiaire entre l'important et l'utile. C'est nécessaire parce que ce que je veux faire nécessite cette chose. Cette chose est nécessaire. Pas important, nécessaire. Mais ce que je veux faire, est-ce intelligent, utile ou est-ce important? Posons-nous la question comme je viens de le faire. Est-ce que c'est utile ou important? Parce que si c'est utile, ça n'a pas besoin d'être important. C'est utile. Mais si c'est important, puis que ça n'a pas besoin d'être utile pour être important, on tombe dans le monde de l'illusion. C'est important, c'est utile, non, mais c'est important pour moi. Mais t'en as-tu besoin? Non, mais c'est important. Prenons l'exemple, par exemple, oui, l'exemple, par exemple, d'une poupée. La petite fille, elle a 5 ans, elle couche avec une poupée, qu'un pitou. C'est important pour elle, le pitou. Mais dans le système d'éducation, cosmiquement, le pitou n'est pas important pour la petite fille. Il est utile. Il est drôlement utile pour son écologie psychologique. Dans le cadre d'éducation que l'on fait présentement, il est utile. Mais elle peut lui attacher de l'importance à un point tel qu'elle ne pourra pas dormir si elle ne l'a pas. Alors, si elle apprend que c'est utile, elle pourra s'en servir d'une façon adéquate et elle pourra aussi l'abandonner plus rapidement. Mais c'est utile. Vous achetez une nouvelle auto, vous allez vous promener avec, vous aimez ça. C'est utile pour votre écologie psychologique d'aller faire un tour de votre nouvelle auto. Mais c'est pas important. Moi, je m'en suis acheté une auto une semaine avant de partir pour le Pérou. Tous mes amis riaient de moi parce que t'achètes pas un char avant de faire de la voyage. Tu laisses un mois de temps de garage après l'avoir acheté. Dans la jungle là-bas, à quoi tu vas penser? À ton auto? Mais non, c'était utile, mon auto. Alors, je l'aimais bien. Je l'ai acheté, premièrement, par goût. Pardon, par esthétique. D'utilité. Par écologie. C'est ce que j'avais besoin. Deuxièmement, j'ai acheté un véhicule qui, énergétiquement, casserait pas tout le temps. Parce que c'est moi qui le conduis. Et on peut remarquer que plusieurs personnes ont des autos qui sont toujours cassées. Et celui qui l'avait avant, l'auto allait bien. Lui, là, il casse toujours. Il change de char, l'autre char, c'est pas encore une minoune. Il change de char, c'est encore pas bon. Si on achète un flambant neuf, à peu près les mêmes problèmes vont apparaître dessus à court terme. Parce qu'énergétiquement, votre automobile ne peut pas vous résister. Et ça, c'est quelque chose sur lequel on va revenir à un moment donné, au niveau de toutes les perturbations que l'homme va créer dans la matière suite à sa propre énergie. Chez les animaux, par exemple. Hein? Vous rentrez quelque part, tous les chiens veulent vous mordre, une autre personne rentre, tous les animaux l'adorent. Alors, on va revenir à un moment donné là-dessus, ce genre de phénomène. Alors, ce qui fait que l'auto, je l'ai pris parce qu'elle était utile et esthétiquement, elle plaisait aussi à ma psychologie. En dernier. Alors, c'est bien évident que quand j'embarquais dedans, j'aimais ça. Mais si l'auto n'aurait pas été à vendre, si l'auto aurait été hors de mes moyens, bon, je ne l'aurais pas acheté, je n'aurais acheté une autre, je l'ai fait souvent. J'ai passé d'ailleurs par toutes les gammes d'auto. Même ceux qu'il fallait pousser pour partir, il fallait quasiment pousser pour arrêter. Alors, je l'aime, je l'aimais bien. Quand je suis allé au Pérou, l'auto, j'y ai jamais pensé. Puis quand je suis revenu non plus, j'ai eu l'audace de penser à ma femme et à mes enfants avant de penser à mon char. Mais je n'y vois que je suis pas normal. Tout à fait inhumain. Parce qu'un homme conventionnel aurait pensé à son char. Qu'est-ce qui est utile? Un outil. Lorsque quelque chose peut servir à faire quelque chose, c'est utile. Que devons-nous faire? Si on a une idée de ce qu'on doit faire, une chose utile, si elle est essentielle à ce qu'on doit faire, devient nécessaire. Pas important. On peut toujours se passer à quelque chose. Toujours. Mais comment déterminer ce qu'on a à faire? La seule façon la plus facile pour n'importe qui de savoir ce qu'il a à faire, c'est de connaître ce que je parle depuis déjà un an, ce qu'est l'écologie. Être écologique. Synonyme d'intelligent, synonyme de conséquentiel, synonyme, pour l'instant, philosophiquement, de ce que j'appelle aussi l'homme nouveau ou la femme nouvelle. Être écologique. L'écologie, c'est utile. Ça permet à tous les éléments d'un écosystème de vivre et d'arriver à atteindre le maximum qu'il doit atteindre. Qu'est-ce que c'est que le maximum qu'un humain, par exemple, doit atteindre? Mais on s'en fout. L'homme est tellement pas écologique avec lui-même que pour se diriger quelque part, il doit savoir où il va. Imaginez-vous. Terrible. Si le pissenlit devait savoir ce qu'il doit être pour arriver à l'être, ben, il pourrait en imaginer des choses. Alors, on aurait des pissenlits qui mangeraient des insectes, on aurait des pissenlits qui ramperaient à terre, on aurait des pissenlits qui grimperaient dans les airs. On aurait de tout. Mais l'arbre, la fleur, l'oiseau, votre corps ne sait même pas ce qu'il doit être. Mais laissé à lui-même, il le devient. Lorsque la psychologie essaie de le transformer par différents mécanismes que l'on vend sur le marché, on peut créer des maladies, des cancers, on peut créer des cancers cutanés, on peut créer différentes choses. Soyons écologiques. Vous êtes vivant, vous avez un corps physique. L'écologie de votre corps physique devrait vous enseigner automatiquement ce que vous devez manger, boire, respirer. L'écologie de votre psychologie devrait aussi vous instruire automatiquement de quelle façon vous devez concevoir la vie. L'écologie de la société devrait vous dire quoi faire. L'écologie d'une famille devrait vous dire quoi faire. L'écologie, c'est quelque chose qui est tellement difficile à comprendre que même les personnes qui étudient ça dans les universités n'arrivent pas à intégrer l'homme dans le cadre écologique ou la nature dans le cadre sociétaire, l'écologie sociale. Comment savoir si une chose doit être faite, est-elle écologique? C'est-à-dire, en connaissons-nous les conséquences? Si on en connaît les conséquences à court terme, à moyen terme, si possible à long terme, en fonction de ce que cela va ramener comme conséquence, on va pouvoir agir. Ça demande, hélas, chez l'homme, chez la femme, le pouvoir de la réflexion. Pas de la méditation, de la réflexion. Cela veut dire que vous devez, la méditation n'est pas nécessairement mauvaise, je vous parle simplement de quelque chose. Vous avez une décision à prendre immédiatement, ben c'est pas le temps d'aller vous asseoir pour méditer. Prenez une décision. Et pour arriver à prendre une décision d'une façon écologique, vous devez accepter, vous permettre le luxe de faire des erreurs. Parce que si vous voulez agir sans faire d'erreurs, vous n'agirez jamais. Très peu. Si vous pouvez... Vous allez finir par découvrir comment être conséquentiel et comment être efficace. Mais pour être efficace, il faut connaître l'erreur. Oui, mais je ne sais pas si je dois le faire parce que d'un coup, je me trompe. Ben, c'est ça. Pense-y. Puis quand tu auras l'idée, il va être trop tard. C'est simple. C'est pas compliqué. Là, je l'essaye. Oh, j'aurais donc dû prendre. T'as pas pu. T'as fait ça. Il aurait pas pu. Il aurait pas dû. Il y a rien. C'est ça. T'as fait ça. Apprends-le. Prochaine fois, tu feras l'autre. Puis si l'autre marche pas non plus, prochaine fois, tu finis par savoir. Alors, si vous acceptez de pouvoir faire des erreurs, les autres n'acceptent pas, ben, au yable les autres. Vous ne pouvez pas accepter d'être stressable parce que les autres vivent mal votre passage. Ça doit être importantement compris. Si je passe et que je me fais assommer, je dois être écologique en fonction de moi-même et de l'extérieur, donc je m'arrange pour ne pas perturber. Mais si je passe quelque part parce que c'est intelligent de passer quelque part et qu'il y a un paquet de mecs à côté qui ne comprennent pas cette intelligence-là, je m'arrange pour être le plus discret possible, mais si quelqu'un vient me voir puis ça le frustre bien raide, ben ça le regarde. Ça vous regarde pas. Alors, ce qui fait que vous devez accepter de faire des erreurs au niveau écologique. Si tout le monde dit vous avez fait une erreur, ce n'était pas nécessairement une erreur. Je parle au niveau écologique. Au niveau de la conséquence de vos actes, on va automatiquement savoir ce qui est utile. L'écologie, l'écosystème, c'est de comprendre que tous les éléments ont de l'importance et de comprendre que vous êtes l'un des éléments, donc que vous avez autant d'importance que le reste. La première chose à faire, ce que l'homme a toujours fait, mais que l'homme a toujours refusé d'admettre, c'est de s'occuper de soi. La deuxième chose à faire, c'est de s'arranger pour pouvoir continuer à s'occuper de soi. Là va naître l'importance de l'écologie. Pour pouvoir continuer à m'occuper de moi, je dois générer autour de moi des mécanismes qui vont permettre que je m'occupe encore de moi. Donc, je dois travailler d'une façon écologique avec les autres. Je veux m'habiller, je pense à moi, je veux m'habiller. Je veux manger, je pense à moi. Je veux m'amuser, je pense à moi. Mais pour continuer à m'amuser, à manger, à m'habiller, je vais devoir penser à ce qui me permet de faire ça. Alors, je ne peux pas rentrer dans un dépanneur et voler la nourriture, parce que lorsque le dépanneur fera faillite, je ne pourrai plus manger. Je ne pourrai pas me permettre de voler dans des parcs d'amusement, parce que lorsqu'ils vont fermer, je ne pourrai plus m'amuser. Alors, je vais donc devoir payer. Je vais donc devoir penser aux autres de façon à ce que ça me revienne. Ça, c'est la loi du karma. Et ça, c'est toujours ce qui a été enseigné, mais d'une façon hypocrite. Parce que l'homme n'arrivait, ne pouvait pas comprendre le système même de l'écologie. Lorsque le Navarien disait « Aimez les autres comme vous-même », cela veut dire ce que je viens de dire. Vous êtes aussi important que les autres. Si vous aimez les autres plus que vous-même, vous n'avez rien compris. Et lorsqu'on aime un autre plus que soi-même, on se vole. Et si on se vole, on est coupable de vol. Être écologique, cela veut dire comprendre les lois de la conséquence. Les lois de la conséquence. On va revenir sur bien des choses. Évidemment, on a juste 2 heures, 1 ou 2 par semaine pour en discuter. Mais... fouillez dans un dictionnaire, regardez ce que c'est écosystème. il n'est pas dans le dictionnaire. Écologie, je crois qu'il est, mais je crois qu'écosystème n'est pas dans le dictionnaire, hélas. Un jour, j'écris un dictionnaire, peut-être. C'est que... Puis... Non, mais trêve de plaisanterie, c'est facile de savoir ce que l'on fait est correct ou non. C'est conséquentiel et écologique. J'en ai parlé suffisamment dernièrement à la radio. De toute façon, je ne vais pas revenir là-dessus, mais on va revenir plus tard juste sur l'écologie. L'amour est pour moi important et aussi la sexualité. Et quand ces choses sont absentes dans ma vie, je tombe malade, fatigué, épuisé. Comment arriver à trouver ces choses utiles plutôt qu'importantes? La personne dit ici, je pensais que je ne serais jamais capable de sortir d'un genre de secte que j'étais entré. Mais maintenant, je me sens solide. Comme la personne a réussi dans d'autres secteurs, mais dans ces secteurs-là de sa vie, ça semble encore difficile. Alors, comment se passer de l'important à l'utile dans des secteurs qui nous emprisonnent un petit peu plus difficilement? Bon, important parce qu'il sécurise. Important parce qu'il comble quelque chose chez vous. C'est ça, une sécurité. Quand vous êtes comblé, vous ne cherchez rien d'autre. Savez-vous pourquoi vous avez des trous que vous devez combler? Parce que vous énergisez de l'importance. Vous prenez de votre énergie pour la mettre chez quelqu'un, pour la mettre dans un acte, pour la mettre dans quelque chose, ce qui crée des lacunes chez vous. Et si ce n'est pas comblé, si le retour n'est pas refait, vous allez être stressé, vous allez être nerveux, angoissé, tout ce genre de mécanisme. C'est une drogue. Tout ce qui est important est une drogue. D'ailleurs, ici, la personne le dit elle-même, elle ne peut pas concevoir. Elle ne peut pas arriver à vivre clairement, pleinement, sans certaines choses, comme l'amour ou le sexe. L'amour, c'est utile, c'est intelligent, c'est écologique, et le sexe, c'est utile, intelligent et écologique. Ça permet au moins de procréer. C'est déjà une très bonne chose. Lorsque le sexe ne fait que combler les lacunes psychologiques, c'est intelligent et écologique chez l'être humain qui n'a pas la faculté de comprendre. Mais lorsqu'une personne a la faculté de comprendre, elle va voir aussi de quelle façon elle peut perdre énormément d'énergie dans ses relations, énergie qu'elle pourrait se servir pour autre chose. Comment faire pour arriver à trouver cela utile? Il faut comprendre pourquoi on fait l'amour et pourquoi on aime. Si on ne comprend pas, on ne peut pas trouver ça utile. La personne va dire que lorsque je fais l'amour ou lorsque j'aime quelqu'un, je me sens bien. Alors, est-ce que j'ai peur? Non. Avant, je peux avoir peur. Donc, ça me sécurise. Qu'elle réfléchisse. Et là, la personne va dire, je suis un être qui a peur. Je suis un être qui s'ennuie seul parce qu'il n'a pas suffisamment d'énergie pour se dynamiser. Je suis un être, je ne suis même pas un être humain complet si je n'ai pas ce genre d'action ou d'événement. Et lorsque j'ai ça, je me sens bien. Ça, c'est la raison pourquoi elle fait ça. Mais est-ce que c'est intelligent et écologique qu'elle se sente bien? Oui. Donc, c'est utile qu'elle poursuive ce qu'elle fait. Ça ne sera plus important, elle va en comprendre l'intelligence. Je fume, je ne peux pas. Mais c'est stupide. Ça dépend. Alors, comment trouver utile de fumer? Il y a bien des raisons utiles de fumer. Pour le fumeur, et peut-être même pour certains non-fumeurs, il y a bien des raisons utiles de cesser de fumer. Pour les fumeurs. Pas pour tous, pas tout de suite. Alors la personne, elle n'a qu'à chercher chez elle. Ce n'est pas parce qu'elle fait quelque chose qu'automatiquement ce n'est pas utile. Parce que sachez bien que beaucoup de choses néfastes sont utiles et intelligentes à l'homme et à la femme. Mais à un moment donné, par l'habitude, il les conserve alors que ce n'est plus utile. Parce que c'est important. C'est juste ça qu'il faut faire la différence. La personne, lorsqu'elle fait l'amour ou lorsqu'elle aime, et lorsqu'elle souffre, lorsqu'elle n'a pas l'amour et le sexe, parce qu'elle en a besoin, si elle sait l'utilité qu'a cette relation pour elle, elle pourra, prenant l'utilité, trouver un autre palliatif si elle n'a pas ce qu'elle désire. Lorsque je suis avec quelqu'un et qu'on s'aime, je me sens bien. Donc, j'aime qu'on s'aime pour me sentir bien. pour ça. J'aime une relation sexuelle pour me sentir, etc. Je n'ai pas la relation depuis un mois et je me sens... Alors, y a-t-il d'autres moyens utiles, d'autres outils pour me permettre de me sentir convenable? Mais si la relation sexuelle est importante, elle ne cherchera jamais d'autres outils. Elle va chercher ça avec n'importe quoi ou avec n'importe qui. Comprenez pourquoi vous faites une chose. C'est déjà l'intelligencer. C'est déjà la mentaliser. Pas comprendre quelque chose pour s'excuser de le faire. Pour se donner une raison de le faire. Pour intellectualiser. Mais savoir pourquoi on le fait. Pourquoi moi je fais des conférences? Je le sais. Parce que j'apprends quand je parle. Alors je parle. Je le sais. Sinon, je le fais pas. Il y a des raisons. Ça devient donc des outils, donc c'est utile. Ce n'est pas important. Chercher à savoir pourquoi vous faites une chose risque de vous amener à en découvrir l'utilité ou l'absurdité. Et après ça, selon votre potentiel énergétique, vous allez être capable de cesser ou de continuer, même à chercher quelque chose qui va être un peu plus adapté à votre état de santé. Si j'ai bien compris, tu as dit que la conscientisation amenait de la fatigue. J'aimerais que tu élabores sur ce phénomène. Est-ce que se conscientiser est utile? La conscientisation, qu'elle soit utile ou non, est irréversible chez l'homme. Conscientisation veut dire prendre conscience. Ça veut surtout dire étendre son champ de conscience. Ça veut donc dire vivre et plus que comprendre plus de choses. La conscientisation telle qu'elle se fera dans l'ère nouvelle, chez l'homme et la femme nouvelle, amène l'épuisement et non pas la fatigue. La résistance que va opposer l'ego à la conscientisation peut amener la maladie et la fatigue, mais l'épuisement va être géré par celui qui est à la recherche de son esprit. Le contact avec les énergies supramentales, entre l'ego et celle-ci. La création d'une énergie qu'on peut appeler ajusteur de pensée, qui va permettre à l'homme d'ajuster sa pensée, qui va permettre à l'homme et à la femme de cesser d'être colorés par son expérience mémorielle pour arriver à être assujetti et régie, ajustée par une énergie intentionnelle, donc créatrice, qui n'est pas régie par l'expérience mémorielle de l'homme planétaire. Cela veut dire que l'homme ne dira pas « Comment dois-je régler ce problème? » Alors il va chercher dans ses mémoires. Non, il va le régler comme il doit être réglé, parce que c'est instantané et ce n'est pas régie par la mémoire planétaire. Alors un juge réglé par son ajusteur de pensée ne cherchera pas s'il y a déjà eu des précédents dans tel cas. Vous avez un problème mécanique, vous ouvrez le capot, vous réglez le problème, fermez le capot. Est-ce que vous avez appris? Non, c'est pas nécessaire. Parce que l'intelligence spontanée, l'énergie supramentale, antiquement appelée Esprit Saint, qui donnait aux apôtres la faculté de savoir sans jamais avoir appris, qui donnait aussi aux apôtres la faculté de parler dans tous les langages sans qu'ils les aient eux-mêmes appris, qui donne ceci. L'énergie supramentale est une énergie qui permet à l'homme de se retrouver. C'est l'esprit de l'homme, l'une des parties les plus basses de l'esprit de l'homme. Présentement, l'homme est habité par une entité. L'homme est habité par une identification qu'il s'oppose à lui-même de lui-même, par son ego. L'homme est habité par quelque chose qu'il a appris. L'homme est habité par son expérience. Et cette expérience crée un contexte évolutif. Cette expérience veut être nourrie. Donc, l'homme recherche l'expérience parce que l'expérience pense que l'expérience accumulée va permettre à l'homme de régler tous les problèmes qu'il va rencontrer. La peur fondamentale chez l'homme est liée au fait qu'il ignore ce qu'il va arriver, parce qu'il ne l'a pas expérimenté, c'est-à-dire parce que ce futur n'est pas dans ses mémoires. Ce futur n'étant pas dans ses mémoires, l'homme a peur parce que l'homme ne sait pas s'il saura réagir ou agir convenablement à ce futur. Alors l'homme recherche l'expérience, il lit, il apprend ou il fuit. C'est-à-dire que l'homme essaie de fuir la réalité vivante pour vivre dans un cadre connu, un cadre qu'il va se constituer et dans lequel il ne voudra plus sortir. Tel est le handicap des religions, du foyer, du travail, du sport, des clubs, des groupements, parce que la personne se trouve en sécurité, parce qu'elle s'est constitué un cadre illusoire de réalité dans lequel sa mémoire sait. Alors la personne rentre chez elle, chaque chose est à sa place. La personne rencontre ses amis, ils sont là. La personne refait, c'est ce qui crée l'habitude, le fait de répéter un avenir connu dans le passé, l'habitude. Lorsque l'homme arrive à expulser l'ego chez lui, lorsque l'homme arrive à un point où il se fera, où l'homme psychologique ou l'ego se fera expulser par ce que l'antique religion appelait l'esprit de l'homme, la conscience supramentale en ce qui regarde le Québec. Lorsque cet esprit entre en contact avec l'homme, elle ajuste premièrement l'instruction de l'ego. Elle l'ajuste par un mécanisme qui va s'opérer entre le mental énergisé de l'homme et l'énergie supramentale pour donner naissance à l'ajusteur de pensée. L'ajusteur de pensée permet à l'homme de savoir que ce qu'il a besoin de savoir pour que l'ego puisse lentement apprendre que cet ego, cette âme de l'homme n'est rien. Que ce phénomène ne peut pas évoluer en ce sens qu'il ne rejoindra jamais l'esprit. Il sera spiritualisé dans le sens esprisé. Il sera supramentalisé. Il faut comprendre que lorsque l'homme a cet ego chez lui, l'homme est possédé par une entité. Et chaque être humain sur la planète est un être humain total, parfait, mais possédé. Parce que chaque homme et chaque femme et chaque enfant est possédé. Possédé par une entité qui désire et qui change d'idée, par une entité pacifique et colérique, par une entité dépressive et constructive, par une entité qui doit un jour être expulsée de chez l'homme, qui doit un jour être détruite en ce sens énergisé, en ce sens supramentalisé. Ces énergies sont chez l'homme depuis longtemps. Lorsque l'homme essaie de clarifier chez lui ce mécanisme égoïque, cette identification possessive de son corps qui prend la place de l'esprit, il essaie de la spiritualiser, il essaie de la faire évoluer. Alors l'homme se met en marche vers une évolution. L'ego, l'entité qui possède le corps physique de l'homme, dans lequel l'homme s'identifie, toutes vos émotions, vos désirs, vos souffrances, vos malheurs, sont là-dedans. Parce que l'homme réel ne souffre pas. Et l'homme nouveau, la femme nouvelle n'ont plus d'ego. Ne souffre pas non plus. À la place de l'ego vient l'esprit, l'énergie supramentale ou la conscience. Est-ce nécessaire, est-ce utile de se conscientiser? C'est comme demander à une graine si c'est nécessaire et utile qu'elle devienne un arbre. Ce n'est pas du ressort de la graine de déterminer si c'est utile de devenir un arbre. Ce n'est donc pas de l'essor de l'homme de déterminer si c'est utile de se conscientiser. Cessez de vous conscientiser. Je vous mets au défi. Vous ne pourrez pas. Cessez de réfléchir. Je vous pose une question plus facile. Vous lancez un défi encore plus simple. Comment sera le plus facile? Cessez de souffrir. Vous ne serez pas capable. Alors, demandez-vous pas si vous pourrez cesser de vous conscientiser. Parce que la souffrance vous pousse dans le derrière pour vous conscientiser. Ça va pas, je veux savoir pourquoi je veux plus souffrir. Alors, vous recherchez. Vous comprenez des mécanismes et vous clairez la souffrance. Vous clairez, vous éliminez, vous vous conscientisez. Est-ce utile ou intelligent? Oui. Mais ce n'est même pas du regard de l'ego de l'homme de se poser la question, de répondre à cette question. Chaque être humain va vers une conscientisation. Elle est limitée parce que son point de départ est limité et parce que sa génétique physique le limite. Mais il se conscientise. Il évolue, si vous préférez. Je préfère conscientiser ou améliorer. Parce qu'évoluer est trop charrier. Alors, la conscientisation, on ne se pose pas la question, on n'a pas le choix. Juste une petite précision, Daniel, quand tu dis que chaque être humain est possédé, bon, il est possédé par son propre ego, mais est-ce qu'il est possédé en plus par des entités extérieures à lui-même? Lorsqu'une entité extérieure à lui-même rentre à l'intérieur, il possède. Il est possédé par son propre entité qu'il possède. N'est-ce pas? Alors, il est possédé par son propre ego, mais l'ego, c'est l'ego, n'a rien à faire là. L'ego ne peut pas rencontrer l'esprit, l'homme psychologique ne peut pas rencontrer son Dieu pour la simple raison que ça n'a pas d'affaire là. L'ego ne peut pas faire descendre Dieu chez lui et dire « Tiens, je vois Dieu, et je suis moi-même. » Tu ne peux pas être toi-même et être d'autres choses. Il faut que toi tu décolles pour que d'autres choses viennent. Alors je me regarde dans le miroir, « Tiens, c'est moi. » C'est pas toi. Ça, c'est le reflet de toi. Ça ne peut pas être toi, tu ne peux pas être le miroir. Alors Dieu est à l'extérieur de l'homme parce que l'homme veut connaître Dieu. Alors si l'homme veut connaître Dieu, il faut qu'il mette Dieu à l'extérieur. Parce que si Dieu est en dedans, l'homme, il cherche Dieu puis il ne voit pas Dieu. Bon, alors, il veut connaître Dieu. Alors, il dessine une peinture, il prie, il l'adore. Comment voir? Si Dieu est dans le ciel, les oiseaux sont plus évolués. Si Dieu est en dedans, la bouffe que tu prends plus évoluée, il y a un problème. On va dire, non, c'est énergétique. Alors, pourquoi le chercher? Pourquoi le prier? Pourquoi tout ça? Pour la simple raison que tout ce qui prie, ce qui cherche, ce qui veut évoluer, c'est l'ego. Bon, alors, si ça vous intéresse qu'on poursuive là-dessus, on peut le faire, mais évidemment, ça peut créer certains petits chocs chez certaines personnes qui ne sont pas prêtes, ou bien on continue à répondre aux questions. Bon, alors, on a le choix entre un ou l'autre. Je laisse ça à la... Bon, j'entends juste dire continuer. Alors, si le pas qu'on continue, vous dites qu'on continue pas. Bon, alors, on continue. Alors, voilà ce qui arrive. C'est que on va reculer progressivement dans le temps et on va oublier certaines choses. Mais au niveau de l'homme, l'entité qui le possède, il fut un temps où les énergies que l'homme appelle divines, ou les énergies supramentales, pour prendre un terme qui est peut-être moins galvaudé, on oublie bien des mécanismes qu'on a vus dans la conférence, les mécanismes de la réflexion. Lorsque l'être humain, animal, biologique, à travers un paquet d'animaux, a la faculté de se constituer une cérébralité, un cerveau et un centre laryngé par la dynamisation des énergies sexuelles vers le crâne et la gorge, ce qui va obliger l'homme à se sexuer pour la simple raison que en Lémurie, donc avant que l'homme soit sexuel, l'homme était hermaphrodite, comme on a encore différentes espèces d'animaux qui le sont, l'énergie sexuelle de l'homme était utilisée à 100% pour la procréation. Donc, l'homme, l'humain, n'avait pas besoin de relations sexuelles, il se reprocréait comme les cellules le font et comme d'autres animaux le font. L'hippocampe, entre autres, et différentes autres espèces d'animaux. Lorsque l'énergie sexuelle a été focalisée vers le cerveau et le centre laryngé pour constituer le centre de réflexion, le cerveau, mais non pas un cerveau qui va être régi par des esprits de groupe, comme on va le voir, mais un cerveau qui va être capable d'être autonome et de recevoir une identification. Un cerveau qui pourra dire un jour, tiens, mais j'existe, ce que les animaux ne font pas. Et un centre laryngé pour communiquer. Alors, elle sort partout à l'extérieur et elle pénètre chez l'homme. Chaque parcelle d'énergie divine ou supramentale qui ne pénètre pas le corps de l'homme assiste à la prise en possession de l'énergie supramentale chez l'homme. Donc, on a une énergie relativement intelligente qui est baissée en vibration, donc qui est planétarisée, de façon à être accessible au corps de l'homme. Cette énergie pénètre chez l'homme et va à l'extérieur de l'homme. L'énergie qui assiste. Sachez une chose, c'est que les énergies sont en involution totale dans un seul but, bloquer leur involution pour retourner vers ce que l'homme appelle Dieu, mais vers la source première, vers ce qui les a émis. L'énergie supramentale, lorsqu'elle pénètre l'homme, elle constitue chez l'homme un ego, une psychologie. Elle permet à l'homme de parler lentement, pas trop vite, mais suffisamment, et elle permet à l'homme d'entrer en communication, en relation, donc en communion. Mais l'énergie supramentale qui n'est pas captée par l'homme, elle assiste et elle est intelligente. Cette énergie va vouloir faire la même chose que toutes les énergies, retourner vers la source première. Mais il y a dans l'univers, et ça c'est très difficilement accessible par l'homme médiocre, que l'être humain sur la planète Terre qui a la faculté de bloquer l'évolution de Dieu pour permettre à celui-ci de réévoluer. L'homme est une parcelle de Dieu involuée, que l'on dit, c'est vrai. Et si l'homme est une parcelle involuée, cela prouve que Dieu ne peut être parfait, parce que s'il est parfait, l'homme est parfait. Et les énergies involuées vers l'homme viennent s'asseoir sur l'homme. Et selon le degré d'évolution de l'homme, elles vont stopper leur évolution pour maintenant retourner avec l'homme vers le centre. Les énergies qui sortent à l'extérieur ont une seule idée en tête, posséder un corps humain pour revenir. Ces énergies vont être suffisamment, disons, en relation avec l'homme de l'époque en Lémurie pour même pouvoir permettre à cet homme de l'époque de pouvoir entrer en communion sexuelle avec une race qui existe en Lémurie et qui a la seule fonction, par sa présence énergétique, de permettre à l'homme d'évoluer. Alors, automatiquement, la race adamique va se mélanger avec la race humaine pour constituer l'homme, nous autres. L'animal humain qui évolue n'a pas de faculté égoïque, donc il n'a pas de désir. Il n'entrera jamais en guerre. Au contact d'une race énergétique qui vient transfuser de l'énergie supramentale chez cet homme planétaire, une race qui n'a pas de corps souffrant, ce que l'homme doit avoir. Parce que la race qui n'a pas de corps souffrant, continuant son évolution, va avoir un corps dense comme le nôtre. Cette race, par l'intermédiaire des énergies qui n'ont pas de corps physique, des énergies supramentales et planétarisées, vont finir, une femme de cette race va finir par donner naissance avec un autre homme, et c'est ce qu'on va aussi parler de la naissance du premier enfant. On donnera naissance à des hommes qui seront, dès leur naissance, habités par ces entités, par cette énergie extérieure qui tend à posséder l'homme pour vouloir évoluer. Ces énergies ont tout fait. Ce sont des énergies divines. Ils ont tout fait pour pouvoir retourner dans un temps record vers leur point source. Mais le rôle de l'homme sur la planète, ce n'est pas de revenir immédiatement, c'est de créer un cadre totalement matériel sur lequel vont pouvoir s'asseoir les énergies involuantes divines de Dieu pour pouvoir bloquer l'involution de ces énergies. Si une énergie vient sur la planète et retourne immédiatement, d'autres énergies vont devoir devenir matière. Le rôle de l'homme est de bloquer cela. Alors l'homme se conscientise, il n'a pas le choix. Mais les énergies extérieures n'ont qu'une fonction, retourner vers le centre premier. Alors ils vont essayer, et ils savent très bien que s'ils n'ont pas de corps physique, ils vont évoluer jusqu'à devenir matière. Alors, ils vont essayer de posséder des corps de matière. Et c'est là que la condensation de ces entités connues d'une façon traditionnelle dans l'antique religion, sous la terminologie de Lucifer, va essayer de prendre le corps d'un homme pour essayer d'engendrer une lignée humaine qui pourra posséder les énergies lucifériennes qui, eux, pourront évoluer. Alors, cette énergie que l'homme appelle Lucifer, on appelle ça un ange, un être de lumière déchu, mais en fin de compte, une énergie supramentale planétarisée. Cette énergie luciférienne va être capable de forcer l'humain, qui n'est pas nous, à se mélanger sexuellement avec les êtres adamiques qui ne sont pas nous, pour pouvoir constituer un homme évolué plus rapidement, supérieur, et cet homme pourra évoluer plus rapidement. Alors Lucifer, pour sauver l'humanité, alors qu'il n'en comprenait pas les mécanismes, a créé l'être humain. Voilà. C'est ceux qui recherchent leur père créateur, maintenant vous savez c'est qui. C'est Lucifer. Alors donc, on va dire l'humanité, suite à cela, est déchue. Mais elle n'est pas déchue, l'humanité. Oh, évidemment, comparativement aux énergies divines, elle est déchue, mais elle n'est pas déchue. Elle a un rôle fondamental à jouer, rôle qui a été perturbé un peu dans le début par les énergies luciferiennes. Ces énergies connaissent, savent, ont assisté à la création du corps de l'homme et ont forcé l'homme à engendrer l'humanité actuelle. Ces énergies n'ont toujours pas de corps, sauf qu'ils sont capables à la naissance de prendre possession d'un corps par des mécanismes relativement compliqués. Et automatiquement, chaque être humain à la naissance a la faculté d'évoluer. La faculté de vouloir savoir rapidement. Oui, mais si tu sais, tu ne pourras pas comprendre. Je veux savoir. Ce sont les êtres de lumière qui dirigent l'humanité. Ces êtres de lumière sont dangereux pour l'humanité, mais ils sont restreints par les énergies intelligentes. J'ai déjà donné l'exemple que lorsqu'une personne fonce vers le soleil en automobile, elle prend le champ. Si elle se met des lunettes fumées, elle est obscurcie, mais là, elle peut voir clair. Et ça, c'est l'initiation lunaire, disons, qui est beaucoup plus intelligente que l'initiation solaire donnée à la communauté, à la collectivité. Les énergies supramentales poursuivent leur descente. Poursuivant leur descente, ils sont à l'extérieur de nous et vivent dans ce que l'homme ésotérique appelle l'astral, là où vivent aussi les énergies luciférienne. Mais l'énergie luciférienne a la faculté de pouvoir vivre dans l'homme. Mais elle n'a pas la faculté de posséder l'homme à 100%. L'homme est toujours en contact avec son esprit. Mais l'esprit ne peut pas prendre la place de cet esprit déchu des énergies luciférienne. Lorsqu'un homme, un plan biologique, physique, devient totalement possédé par un esprit luciférien, il devient intelligent. Mais intelligent d'une façon qui est exemplaire parce qu'il est relié à un mécanisme, disons, d'énergie supramentale, astralisé. Alors cet homme est capable de manipuler les collectivités. Cet homme est capable de parler et on va l'écouter. Cet homme, qu'est-ce qu'il va vouloir faire? Alors il va vouloir faire ceci. Il va vouloir donner des corps parfaits à tout le reste des esprits lucifériens pour que ceux-ci puissent prendre possession d'un corps afin d'évoluer pour retourner vers leur centre premier. Mais ils vont travailler en collaboration, cet être humain, l'un des exemples est Adolf Hitler, il va travailler en collaboration avec une autre forme d'esprit. Présentement, l'énergie supramentale descend chez l'homme. Et chaque fois que l'homme prend conscience, il dégage, il libère de chez lui une partie des esprits lucifériens qui reviennent à l'extérieur. Plus l'homme se conscientise, plus le mal tend à monter. Tout à fait normal. Le mal, ce qui veut prendre possession des corps humains, ce qui veut obliger l'homme à nourrir le mal. J'explique. L'énergie supramentale poursuit sa descente aujourd'hui, comme elle le fait depuis que l'homme est au monde. Sauf que l'énergie présente n'expérimente pas la création de l'homme. Elle descend et elle vibre de l'homme. Elle vibre de l'homme, c'est-à-dire qu'elle accumule de l'expérience. Vous, en tant qu'entité corporelle, vous avez la faculté de vous faire mal, de vivre, d'accumuler de l'expérience. L'énergie extérieure de l'homme qui n'a pas de corps physique, et c'est pourquoi les morts viennent toujours voir les vivants pour essayer d'y posséder, ou au moins de faire agir leur corps en leur disant qu'ils sont des maîtres, parce que là, ils accumulent de l'expérience. Ces entités n'ont pas de corps. Par contre, ils sont capables de mémoriser de l'expérience, mais ils ne sont pas capables de l'engendrer. L'homme peut engendrer de l'expérience. Alors, l'homme devient un élément de nourriture pour les énergies astrales, les énergies supramentales astralisées. Ces énergies collectives vont avoir une fonction, regrouper l'homme en clan pour que l'homme s'entretue, pour que l'homme se drogue, pour que l'homme se prostitue, pour que l'homme crée des mécanismes sociaux, comme on connaît aujourd'hui et comme on a toujours connu, de façon à ce que l'homme crée de l'expérience, de l'émotion. L'homme aime, l'homme haït. L'homme, enfin, tout ce qu'on connaît aujourd'hui de décadence, est intelligent. Mais ce ne sera plus intelligent longtemps. Alors, ces mécanismes, qu'est-ce qu'ils font? Lorsque je lance mon verre dans le visage de Guy, Guy se met en colère, il exprime de l'émotion que vous allez percevoir. Ça va aussi vous faire de quoi? Ces émotions nourrissent les énergies astrales extérieures qui forcent l'humanité à s'entre-déchirer, à s'entraîner pour s'entre-déchirer, qui forcent les hommes à nourrir cette énergie pour lui donner de l'expérience. C'est le plan astral et c'est ce que l'homme appelle aussi Satan. Ce sont les énergies sataniques. Satan à l'atmosphère, c'est le cas d'Asie. Alors c'est ça, les énergies sataniques. Alors l'homme se conscientise pour la simple raison que son véhicule physique, vital, même astral et mental, est là parce qu'il a été régi par des énergies intelligentes. Mais évidemment, ces énergies n'ont pas pu tous, parce que c'était intelligent, qu'ils ne prennent pas tout un corps physique pour pouvoir créer un monde, un ciel, dans lequel l'homme va évoluer longtemps en sécurité. Aujourd'hui, plus l'homme se conscientise, plus le mal grimpe. On a toujours vu que plus on avait de paix, plus on avait de mal. C'est courant dans l'histoire de l'humanité, c'est normal. Lorsqu'un peuple commence à vivre bien, il y aura toujours un peuple envahisseur pour venir l'empêcher de continuer. Et ça, c'est régi par un ordre collectif, un ordre de groupe, par ce qu'on peut appeler les énergies sataniques, qui n'ont qu'une seule fonction, faire que l'homme crée de l'émotion pour se nourrir, ce qui donne de l'expérience aux énergies sataniques, leur donnant l'impression d'évoluer. Mais l'homme, dans tout ça, pendant des milliers d'années, n'a servi que de véhicule, il a été manipulé continuellement pour servir ces choses. Tandis que l'homme est le maître de ces choses. À la recherche de son esprit, la conférence de la semaine prochaine, on va justement élaborer sur les mécanismes qui vont obliger l'homme à expulser de chez lui cet égo pour permettre à l'esprit de pénétrer. Mais il se trouve d'une façon remarquable que Lucifer veut que l'homme atteigne cet esprit avec lui, tandis que l'homme l'atteindra seul. Les énergies sataniques veulent aussi que l'homme atteigne l'esprit, mais avec Satan ou les énergies sataniques, tandis que l'homme va les atteindre seul. Lorsqu'on a une histoire où le Nazaréen est dans le désert et Satan vient le rencontrer, Lucifer, ça a été réglé avant, Satan vient le rencontrer et il lui dit « Travaille avec moi et je t'offrirai tout cela ». C'est normal, Satan le possède déjà, c'est le collectiviste, Satan. Alors il peut donner un royaume, il peut forcer l'humain à servir. C'est ce qui régit la collectivité. Or, le Nazaréen, évidemment, n'a pas besoin de ça, c'est le maître, c'est le boss de Satan. Comme d'ailleurs chacun d'entre vous l'est. Pas l'est, mais l'est. Alors voilà ce qu'est la conscientisation et voilà aussi ce que sont les mécanismes qui possèdent l'homme. Maintenant, lorsque une entité satanique possède totalement un être humain, là, il devient animal. Les films d'exorcisme et de possession font toujours référence à une possession satanique, mais jamais à une possession luciférienne. Mais c'est pas plus dangereux que ça, qu'on est possédé. On les possède, nous autres aussi, alors. Hein? Rien, là. Une autre question pourrait se citer dans les hautes sphères, là. Est-ce que la fatigue aura un rapport avec l'énergie tellurique de la planète? Autrement dit, est-ce que la planète est fatiguée? Est-ce que la planète est fatiguée? La société est fatiguée et la planète est fatiguée. La planète va vers un épuisement parce que l'humanité va vers une conscientisation supramentale. Les premiers endroits qui vont être épuisés s'ils ne savent pas comment s'orchestrer, comment s'organiser pour ne pas se laisser épuiser, seront le Québec, le Canada, les États-Unis, donc l'Amérique, et lentement, ça va s'étendre un peu partout. Le Québec ésotérique, ça va de soi. Alors, la planète aussi, elle est fatiguée. Les énergies telluriques, bon, je ne répondrai pas trop clairement pour la simple raison qu'on va finir la conférence là-dessus, puis j'aimerais quand même toucher un peu les autres questions. La planète, elle est fatiguée autant que l'homme est fatigué, et plus la planète vitalement est fatiguée, plus l'homme vitalement peut être fatigué. Sauf qu'il y a des régions planétaires, les Laurentides en sont une, par exemple, où l'homme peut se réénergiser si l'homme va là suffisamment longtemps. La chose primordiale à bien comprendre, c'est que lorsque l'homme est stressé, l'homme ne peut pas se réénergiser. L'homme ne peut pas se reposer. Si vous partez en vacances, on va vous dire « oublie tout, oubliez tout ». Mais inconsciemment, vous n'oubliez pas tout parce que c'est important. Alors vous reléguez dans le fin fond de vous les choses importantes pour ne pas y penser. Mais à l'instant même, 2-3 jours avant le retour des vacances, c'est tout là. Vous devez vivre sans choses importantes, mais prendre conscience de l'intelligence des choses utiles. Et il y a une marge entre un et l'autre. Et si c'est important, les choses utiles, on n'a rien compris. Il faut vivre libre. Libre des attachements. Je le dis, je vais le répéter souvent, mais c'est la seule chose qui va libérer l'homme. Lorsque la possession chez l'homme, lorsque l'entité possessive ne peut plus s'énergiser, ne peut plus attacher d'importance à rien, lentement, sans douleur, elle quitte l'homme. Alors l'homme, qu'est-ce qu'il retrouve? Il retrouve chez lui plus de compréhension de tout. Tout va mieux. Il s'ajuste. L'évolution, c'est facile. Ah, c'est facile. C'est facile. Sauf que l'ego résiste. parce que l'ego veut qu'on évolue avec lui. Alors l'homme, même le Nazaréen va dire, l'homme est aussi Dieu, l'homme est un fils de Dieu, et l'homme va même faire plus que moi. Et l'homme dit, ah, génial. Mais l'homme se refuse de faire ça. L'homme se refuse de dire oui. Il dit que c'est vrai parce que c'est le Nazaréen, parce qu'il l'adore. Mais si un autre répète la même chose sans citer le Nazaréen, ah ben là, on le croit pas. Parce que l'entité possessive chez l'homme ne veut pas être autre chose que ce qu'elle est. Lorsque je dis et lorsque lui disait que l'ego, que l'homme psychologique doit mourir, que naisse l'homme nouveau. Oh, j'interprète un peu, il ne parlait pas de nouveau à l'époque, quand même. Mais lorsque l'homme doit mourir pour pouvoir faire renaître quelque chose de neuf, lorsque la graine qui va en terre doit pourrir et mourir pour que naisse l'arbre, ça, l'ego doit disparaître complètement chez l'homme. Qu'est-ce que c'est l'ego? C'est toutes les forces astrales. Qu'est-ce que c'est les forces astrales? Ce sont les forces luciférienne, entre autres, et sataniques à l'extérieur de l'homme. Qu'est-ce que c'est ces mécanismes? Ce sont les mécanismes qui aident l'homme dans un certain laps de temps et qui nuisent à l'homme dans un autre laps de temps. Qu'est-ce que c'est que tout ce mécanisme? C'est tout ce qui est régi par le ciel planétaire. Qu'est-ce que l'ego chez l'homme? C'est son plus gros frein. Qu'est-ce que l'ego chez l'homme? C'est son âme. Qu'est-ce que l'âme humaine, son plus gros frein? Qui veut évoluer et qui veut sauver quoi? L'âme. Tandis que l'esprit, on s'en fout. Même si on s'en fout, les mécanismes s'opèrent de toute façon. Lentement, lentement, l'homme va arriver à se conscientiser et à vivre libre. Libérez-vous de l'important. Mais quand c'est utile, on s'en sert. Quand c'est plus utile, on le range. Quand c'est nuisible, on l'élimine. Tandis que dans l'importance, on conserve. Que faire lorsqu'il y a conflit d'utilité? Ce qui est utile pour toi ne l'est pas nécessairement utile, voire important pour l'autre. Par exemple, tu es responsable d'un groupe et c'est utile et nécessaire qu'il y ait de l'ordre ou une certaine marche à suivre. Et si un enfant ne trouve pas ça du tout utile, quoi faire du fait que tu es responsable du groupe? En fait, là, si je résume le reste, comment établir la priorité des utilités? Bon, premièrement, dans un groupe, lorsqu'on travaille avec un groupe, il faut comprendre que la majorité des personnes d'un groupe ont plus d'importance écologique qu'une entité inadéquate du groupe. Première chose à faire est d'essayer de faire comprendre, si cela se fait, les mécanismes écologiques chez l'enfant. D'ailleurs, les taloches vont normalement dans une famille servir à ça. Mais il y a d'autres moyens de passer par les taloches. L'enfant a-t-il une raison d'être dans ce groupe? Si c'est un professeur, alors peut-être qu'il devrait changer de classe. Peut-être qu'il devrait changer d'école. Mais notre système éducationnel n'est pas conçu pour ça. On est zoné. Puis on tapoche quand qu'ils comprennent, ben non, puni. Bon, on tapoche psychologiquement aujourd'hui. On ne tape plus physiquement, mais on y va psychologiquement. On doit essayer de faire comprendre, et pour ça, il faut évidemment que l'adulte le comprenne. Première chose dans une classe, c'est de faire comprendre l'écologie de la classe. Et il y a différents moyens. Je ne veux pas donner un cours d'écologie infantile ici ce soir parce qu'on n'a pas le temps, mais l'écologie, pensez-y, puis revenez-y, puis vous allez finir par éliminer bien les problèmes. Tous les problèmes familiaux vont disparaître, sans nécessairement que les personnes s'en aillent. Problème de travail. Évidemment, lorsqu'un professeur pose une question, toute la classe va presque bien, mais on en a un qui, lui, se fout royalement de tout. C'est que lui, son cadre d'écologie nécessite que tout le monde s'occupe de lui. Parce qu'il y a un problème. Comme par exemple, dans les cours d'ordem qu'on donne ici aux enfants, moi, les autres professeurs, on va se battre avec les enfants. Évidemment, on perd. Mais ça règle un gros problème d'écologie. Parce qu'on bouge des lacunes qu'ils n'ont pas chez eux. Et plusieurs enfants viennent sans rien comprendre, mais ils viennent juste pour ça. Planter un adulte. Mais c'est le contact. C'est même pas l'idée psychologique de gagner. C'est le contact. L'enfant qui est ectopique dans une classe, il y a quelque chose si on observe. Parce que sachez bien que c'est important pour lui de faire ce qu'il fait. Parce que sinon, il ne le ferait pas. Donc, il y a une utilité pour lui, mais il ne le sait pas, de faire ça. Trouvez donc l'utilité Et lorsqu'on aura trouvé l'utilité, on pourra fournir des outils à l'enfant. D'autres outils que celui que lui, que celle que les outils que lui-même se donne. Alors, lorsqu'on a trouvé pourquoi il fait ça, on ne dit pas, ben oui, mais il est mal élevé, il est stupide, il est non. Il y a une raison intelligente pourquoi il le fait. Cosmiquement, écologiquement, il a un besoin. Si la classe ne peut lui donner, on devra trouver un autre cadre. Mais sinon, on doit essayer de trouver, de comprendre l'utilité. Quelle utilité il y a que lui fasse cela? Ça lui permet de vivre. C'est important pour lui, mais c'est pas ajusté. Lorsqu'on a trouvé, ah, il fait ça pour ça. Oh, c'est vrai qu'il en a besoin. Dans l'état où il est, il en a besoin. Est-ce qu'il y a un moyen où je peux lui donner, où on peut lui donner avec d'autres outils? Et là, lentement, on va habituer l'enfant à l'écologie. Mais pour ça, il faut évidemment... Parce que l'éducation, on pense toujours qu'on éduque les autres à partir de l'éducation qu'on a eue. C'est faux. On éduque les autres à partir de l'éducation que l'on se fait, au fur et à mesure que l'on éduque les autres. Parce que l'homme enseigne toujours le mieux ce qu'il a le plus besoin d'apprendre. Mais ça, c'est tout à fait interdit dans les écoles. On les vire vite, les professeurs qui apprennent sur le dos des élèves. Le sommeil flash quelques secondes, quelques minutes. Pourquoi est-il si réparateur? Le sommeil flash. La psychologie, c'est elle qui a peur. Il y a un endroit dans le ciel, dans le monde astral planétaire, où l'âme, ou lorsque l'ego va se trouver dans un sommeil, ce qu'on pourra... tout à fait diabolique. On a attribué à Satan, le diable, les choses diaboliques. Même dans la religion antique et contemporaine, on parle de Lucifer comme étant un ange déchu, un être de lumière déchu. Alors, il ne faut pas penser, parce qu'on est luciférien, qu'on est en enfer. On dit que Lucifer est le maître de l'enfer, le maître de la planète Terre. Oui. Là où l'homme souffre tout le temps, oui. Pas lorsque l'homme est mort. Parce que lorsque l'homme est mort, il y a d'autres choses qui se passent. Alors, ce qui fait que le sommeil flash, c'est lorsque la personne a la faculté innée d'aller se réparer psychologiquement, égoïquement, dans cette région. Lorsqu'elle revient, la chose qui l'habite, son ego, son identification, ben, elle est bien. Alors, elle recommence. Tandis qu'une autre personne, elle va vaguer, puis elle revient, puis elle n'a rien trouvé. Elle a de la difficulté. Éliminer le stress, c'est d'éliminer la faculté qu'a l'ego d'entrer en contact avec la réalité tout en essayant de la colorer parce qu'il voudrait que la réalité soit. Cesser d'être stressé, c'est éliminer 90% de nos maladies et c'est se retrouver libre. Il pleut merveilleux, il neige merveilleux, mais pas d'une façon psychologique, tripante. Oxy, beau, il neige! Wow! T'es en plein été au mois de juin. C'est pas de vouloir triper, c'est pas du positivisme. Il neige, hein? Pas du positivisme, il neige. Bon. Alors, il neige. Voilà. Et il pleut. C'est pas du positivisme, c'est pas du négativisme, il pleut. Alors, c'est pas de tout trouver beau puis de rien trouver de laid, c'est d'être quelque chose d'autre. D'être en harmonie avec ce qui se passe. D'être bien. Pas d'être trop bien. D'être bien. Ça se définit presque pas. J'ai un élève de PMC dernièrement, justement, qui l'a bien défini. C'est d'arriver à vivre. Comment il a dit ça? Ah! Vous voyez, la mémoire, je m'en sers pas trop en conférence, alors ce qui fait que... Merci. Arriver à être neutre, actif. Alors, c'est pas d'être sur la voie du juste milieu. C'est pas d'être pour, d'être contre, d'être neutre, actif. Ce qui permet à l'homme d'être neutre, actif. Méditer, limiter quelque chose. Neutre, actif. Justement, tu parlais du stress. Si la personne demande si tu peux expliquer l'utilité du stress. Le stress, il est là pour faire comprendre à l'ego que celui-ci ne mène pas le jeu. Le stress, il est là pour vous enseigner la loi du karma. La loi du karma, c'est une loi de rétribution pour l'ego. C'est une loi d'action-réaction. La loi du karma, cela veut dire que lorsque vous faites quelque chose qui n'est pas écologique, automatiquement, une réaction à l'encontre vient réinstaurer l'écologie et vous souffrez. Le stress, c'est parce que l'homme s'adresse, agresse tellement l'écologie qu'automatiquement, il en reçoit les retours. Vous mangez juste du sucre, ce n'est pas écologique, votre corps n'a pas besoin de ça comme ça, alors automatiquement, il y a un système d'alerte, un stress physique. Vous êtes toujours en train d'attacher de l'importance à l'extérieur, ce n'est pas écologique, l'extérieur est changeant. Alors automatiquement, vous allez être stressé parce que vous allez résister au changement. Vous allez avoir peur du changement. Le stress, il est là pour enseigner à l'ego que ce n'est pas lui qui mène le jeu. Autrement dit, le stress, il est là pour vous enseigner que ce n'est pas vous qui menez le jeu. Chaque fois que l'homme prend une décision qui est en regard que de lui, il est fait. Pourquoi? Parce qu'il ne peut pas prendre de décision en regard que de lui. Il doit le faire en regard de l'écosystème extérieur, ce que la religion appelait le plan de Dieu. Crime, si tout est placé et que tout fonctionne seul, quand t'arrives, tu veux tout changer, tu vas avoir du stress, tu vas avoir des maladies, tu vas avoir des souffrances, des accidents. Et si tu découvres l'écosystème, c'est quoi? L'intelligence qui règle tout l'extérieur et que tu embarques dedans. Et cet extérieur tend à s'améliorer. La perfection biologique des plantes, la perfection biologique des animaux, l'évolution biologique de Darwin. Mais l'homme subit une autre forme d'évolution qui n'est pas régie par la loi de Darwin, tandis que les animaux et la matière le sont. Alors donc, l'homme doit comprendre cette évolution régie par des énergies harmonieuses. Il y a une harmonie qui règle tout ce mécanisme, pas l'harmonie de l'homme. Lorsqu'on voit une petite souris à terre, X, c'est cute. Lorsqu'on voit un aigle descendre sur la souris, la ramasser, la piocher, la déchiqueter, la manger, on sort notre douce ponte sous l'aigle. Lorsqu'on voit un gracieux aigle voler dans les airs, c'est que c'est beau. Lorsqu'on voit un homme tirer l'aigle, on voudrait tuer l'homme. C'est quoi? Parce qu'on veut régler l'écologie à partir de notre émotion. Nous, on tue l'aigle quand il tue la souris, mais on tue l'homme quand il tue l'aigle. Parce qu'on n'a pas tout vu. Alors, on veut tout régler à partir de nos émotions. Alors, automatiquement, on a le stress. On veut régler la vie de l'homme. On veut régler l'évolution de l'homme. On veut régir. Comme Lucifer a voulu régir. Et évidemment, on a le stress qui instruit l'ego que ce n'est pas lui qui mène. C'est l'intelligence qui mène. Et à un moment donné, l'homme va rencontrer son esprit. L'homme va savoir. L'homme va avoir un contact avec l'énergie supramentale. L'ego va être instruit de ce qu'il est limité dans l'action. Et l'homme réel, l'homme nouveau et la femme nouvelle vont pouvoir prendre possession de la planète Terre pour la régir d'une façon écologique. Ils ne transformeront pas l'écologie. Mais je répète que l'écologie va en s'améliorant. Donc, l'homme va être capable d'améliorer d'une façon écologique. La musique pose toutes les questions. À quel plan énergétique se situe l'identité du moi réel? Au plan astral, du moi réel, le moi réel ne s'identifie dans rien. Où s'identifie le moi? Le moi, le je suis, au niveau seulement astral relié par le ciel. Lorsque l'homme est total, il ne sait pas qu'il est total. Lorsque l'homme pense qu'il est total, il est identifié à son propre ego qui expérimente dans sa mémoire le fait qu'il a été total, lui permettant de dire « je suis total ». Lorsque l'ego dit « je pense, donc je suis », en réalité, il pense, donc il n'est pas. Il a été. Parce qu'il fouille dans ses mémoires. La dernière. Le manque d'organisation, le manque de temps est-il une cause majeure de fatigue? Le manque d'organisation et le manque de temps est une cause majeure de fatigue parce qu'il crée le stress. Et l'homme n'a pas le temps et l'homme ne peut pas s'organiser parce que dans l'organisation, il voit l'expression des énergies intelligentes. Alors, il refuse le contact avec les énergies intelligentes de prime abord, ce qui fait que l'homme ancien, la femme ancienne ne s'organise pas. On peut l'organiser, on peut la programmer, ce qui donne le feeling d'organisation. On peut l'éduquer pour qu'elle soit programmée. Les moines souvent vont être programmés. Mais l'homme nouveau, la femme nouvelle qui va s'organiser, c'est qu'elle permet l'expression des énergies mentales et supramentales, l'expression des énergies intelligentes. Et là où rentre l'organisation, sort le désordre. Et là où rentre l'organisation, rentre le mental. Là où rentre le mental, sort l'astral, sort l'ego. Alors l'homme est stressé parce qu'il ne peut pas être organisé. Il ne veut pas s'organiser. Il n'a même pas l'énergie de s'organiser parce qu'on l'appuie. Son ego l'appuie. Parce que l'organisation, c'est la facilité. C'est le succès. C'est la réussite. C'est l'énergie mentale exprimée.